jeunesse qui cherche un sens à sa vie. Mais toi, tu ne passes jamais en bas de chez moi. We ran out of time to feel what love meant. 3, 2, 1. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver. Yeah, Ed McKay. We are old. We are young. We are America. Oh, oh, General avec vous. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, tous les vendredis soirs à partir de 19h, c'est l'émission Mavrika et puis on est en place déjà depuis quelques minutes, on vous a déjà envoyé du bon son hein, puisque ce sont les groupes de la région orléanaise et même d'ailleurs, hein, il y en a certains qui viennent d'un peu plus loin que nous diffusons, donc on est là pour soutenir les artistes locaux. Donc l'émission Mavrika aujourd'hui c'est la 641e édition si je me trompe pas, je vais vérifier quand même parce que des fois je me trompe, hein, ça m'arrive. Hein. Et depuis le début de l'émission on a écouté déjà les Comintern Sec d'ailleurs. Les Comin Tersek, pour ceux qui sont au courant, hein, c'est un groupe des années 80 qui s'était reformé en 2014. Et malheureusement, depuis une semaine et quelques, nous avons perdu le leader, le chanteur, Karl. Et je voulais lui dédier cette chanson déjà pour commencer, et puis cette émission aussi, parce que voilà, et c'est quelqu'un qui a marqué beaucoup l'histoire du rock and roll en général. Et malheureusement, il nous a quittés, et on a toujours une pensée pour lui. On dit que Karl est parti, mais une légende est toujours là, elle est toujours vivante, et nous on continuera de diffuser les bons morceaux des Comin Tersek. Donc le premier morceau qu'on a écouté, c'était les Comin Tersek avec Avoir 20 ans. On a poursuivi avec un groupe qui a déjà participé à Maverick Live, qui est déjà venu je crois deux fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et en plus c'est un groupe qui vient de la région parisienne, hein. C'est le groupe Le Soupule, et ils ont sorti un nouvel album, et on écoute depuis quelques semaines plusieurs titres, hein. Et cette fois-ci on a écouté En bas de chez moi. Juste après, un groupe de la région de Limoges que j'ai eu la chance de rencontrer, on a discuté un petit peu, ils m'ont promis qu'un jour je reviendrai dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est le groupe Lizard avec le titre Blue Moon. Et à l'instant, c'était une nouveauté de la semaine dernière, je vous l'ai déjà diffusé la semaine dernière, c'était Sky Oddity avec Monkey on My Back. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. En tout cas, on est ensemble pour 3 heures, on est ensemble jusqu'à 22 heures. Et nous avons, comme d'habitude, des invités ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors, c'est vrai qu'au mois de mai, ça a été un petit peu entrecoupé. Plusieurs semaines, on a diffusé de la musique. C'était le cas la semaine dernière, puisque j'étais bien ici dans le studio. D'ailleurs, je vous ai dit au revoir, je vous ai pas dit bonjour, mais je vous ai dit au revoir à la fin de l'émission. On a même dépassé un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, pendant ce temps-là, il y avait la réunion avec tous les animateurs, donc j'avais la chance de retrouver tous mes collègues, tous les gens qui vous tiennent compagnie pendant toute la semaine. Donc c'est un vrai plaisir de passer un petit moment avec eux. Et du coup, c'était pendant mon émission. Alors je vous ai passé une playlist, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel, merci d'écouter l'émission Mavrika. Ce soir, c'est l'édition numéro 641, et nous avons ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel The Last Magic Doors. Parier que notre nom ne sera pas écrit sur les éléments noirs des pyramides, dans les heures de gloire des brumes acides, car il faut vendre les deux, il faut vendre les yeux. Et je parle au bruit, lentement je m'avance au plus transcendant, et je n'ai pas de temps à perdre. Oh no. Nous contemplons le dernier souffle, nous contemplons l'éveil. Quand enfin le dernier souffle est derrière moi, le monde est mort et c'est le nom des guerres. Rappelle-moi le nom des guerres. Oh non, je ne m'en souviens pas. J'ai pourtant des vents de guerre. Voilà, ça c'est la petite musique qui nous dit qu'on va aller dans les studios de Radio Arc-en-Ciel parce qu'on est juste à 5 minutes du centre d'Orléans, ici à Fleury-les-Aubrais. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se passe aussi dans les studios. Hein. Il n'y a pas juste des playlists. Bon, de temps en temps, on triche un petit peu. On vous envoie des playlists avec les meilleurs morceaux qu'on a sélectionnés. Mais des fois, on aime bien aussi faire de la vraie radio avec des vrais invités. Et ce soir, nous avons donc pour cette émission, nous allons recevoir le groupe The Last Magic Doors. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. On entend toutes les voix, c'est bon. Et puis nous avons vous êtes deux, vous représentez le groupe qui habituellement contient trois personnes. Exactement. Voilà. Donc on va tout découvrir de l'univers de Last Magic Doors et on va dire aussi bonjour à notre ami Didier. Salut Didier. Bonsoir à Albino, puis bonsoir à... Bonsoir. Nos invités. On va apprendre à les connaître. Hein. Alors, moi, au début, c'est pareil. Il y a certains noms qui sont un petit peu longs. The Last Magic Doors. Bon, là, ça passe encore assez bien. Mais moi, j'ai eu des soucis avec des groupes comme No Sign, No Sting. Maintenant, je le dis très bien parce que à force. Mais au début, je m'en mêlais. C'était pas possible. Et puis après, et donc, on est là, justement, pour s'habituer à leur son, pour s'habituer, pour découvrir leur univers. Et tu les connaissais déjà avant? Alors, un petit peu. Je connais le monsieur du clavier qui était sous une autre formule, sous un autre D'accord. projet. Je les ai découverts à plusieurs reprises. Et puis, sinon, de renom, oui, par le biais d'infoconcerts. Je vois passer leur poste et leur presta. Donc, tu partages, effectivement. Ah, bah, tout à fait. On va reparler, d'ailleurs, c'est un groupe sur Facebook. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, un groupe sur Facebook. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Oui. Je crois qu'il y a quelque chose à gagner, il me semble. D'accord, bah tu veux qu'on en parle tout de suite. Alors, si tu veux, ouais. On va lancer le truc parce que ça va durer quand même pendant toute la durée de l'émission. Ouais. C'est-à-dire que tu vas faire gagner un livre, voilà. Tout simplement. Je suis l'auteur. Et en plus, tu vas le dédicacer. Donc, c'est un livre collector. Tout à fait. Ce soir. Alors, c'est sur la route, l'objectif en bandoulière. Parce que toi, tu es un photographe, hein. Ouais, un ancien photographe. Enfin, la retraite maintenant, mais photographe qui a parcouru, les routes de France et de Navarre, un petit peu. Et alors, tu le fais gagner. Alors, qu'est-ce que tu demandes en échange? Alors, ce que je demande en échange, pas grand-chose. Je demande aux éditeurs, aux auditrices, simplement de nous faire un petit coucou, soit sur ta page, soit sur la mienne. D'accord, il n'y a pas de souci. De marquer le département où ils sont, comme on a lancé il y a trois émissions, ou le département où ils se trouvent, ou la commune dans le Loiret, éventuellement les dom-toms, ou... Des pays étrangers. Ouais, des étrangers. Et aussi, sur tous les petits coucous qu'on aura, voilà. Après, toi, tu fais le numéro de l'émission, c'est combien? C'est 641. Oui, voilà. 641. Attends, voilà. je vérifie parce que depuis tout à l'heure, je le dis, mais je l'ai pas vérifié encore. 641. Voilà. Donc, avec un petit coucou à la 641e ou. Ouais, voilà. Et puis là, c'est simple. Pendant l'émission, je mets tous les titres, donc, qu'on va diffuser. Donc, le programme de l'émission Mavrika, il est déjà publié. Je vais le compléter au fur et à mesure. Il y a déjà des gens qui nous ont mis des petits pouces, donc n'hésitez pas à y aller, comme ça vous aurez le résumé de tous les groupes qu'on a diffusés. Et à l'instant, d'ailleurs, on a diffusé le groupe Ombrage qu'on va recevoir au mois de juin. Ça sera leur deuxième participation parce qu'ils ont sorti un album qui a été enregistré il n'y a pas très très longtemps. Donc le groupe Ombrage et le morceau qu'on a écouté s'appelle Le nom des guerres. On préférait qu'ils aient pas de nom et on préférait qu'il n'y en ait pas d'ailleurs, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à aller sur le Facebook et puis vous mettez le département ou alors Petit coucou de la commune dans le Loiret, voilà. Voilà, tout simplement. Vous mettez votre nom. Si tout le monde et après on tirera au sort parmi ces gens-là. Voilà, on a une main neutre à côté de nous, hein, la chanteuse du groupe qui dans un chapeau tirera le nom qu'on marquera sur un morceau de papier. Ça sera fait en live et par la suite en MP on verra ferai la dédicace et j'enverrai ça à la personne qui va le gagner. Très bien. C'est mon parcours de photographe en fait. D'accord. Bah moi je le découvre aussi parce que je l'avais déjà vu sur internet mais j'ai pas eu encore l'occasion de. Bah tu peux le dire pendant l'émission si tu veux. Je pense qu'on a autre chose à s'occuper. Et puis juste un petit scoop. Je le dirai à la fin de l'émission. On aura un invité. Mois de septembre, je pense que tu es au courant. Oui, non, parce que nous, on parle tout ce qui est autour de la musique. Tout à fait. Donc, les musiciens, etc. Mais on parle aussi de la technique. Hein. Aujourd'hui, tu vas nous faire une petite chronique sur la technique du chant, simplement. Et on s'intéresse aussi au côté administratif. Administratif, la paperasse et tout ça. Parce que, bon, législatif et autres. On aura un invité dont je donnerai le nom. D'accord. Et le titre en fin d'émission. On peut le dire quand même qu'il représente. Il représente quelque chose. Qui n'est pas souvent apprécié par, enfin qui est apprécié et pas apprécié par les chanteurs. Ouais, ça dépend par qui. Ça dépend de quel bout on le prend. D'accord, ok. Donc on va le dire. Bon allez, fais-toi plaisir. Ouais, c'est la SACEM quoi, simplement, voilà. On leur donne la parole parce que nous c'est vrai que moi personnellement, je vais te dire une chose, moi je suis pas musicien et je suis pas dans, mais je sais qu'entre les professionnels, entre les amateurs, entre c'est pas toujours facile et puis des fois aussi les organisateurs, ils connaissent pas tout à fait les droits, donc ils viendront ici pour nous parler. Florent Vidal qui est directeur de la SACEM Loiret. Bah c'est super, je trouve ça bien. Viendra nous rendre visite et fera un live, on fera un spécial dans la chronique ou dans la soirée. Comme tu veux, sur la SACEM, il fera les interventions, il expliquera un petit peu plus en profondeur les droits, les devoirs. D'accord. Très bien, ben voilà, on a tout annoncé. Donc maintenant, on va quand même se tourner vers nos invités. Alors, le groupe de Last Magic Doors. Donc, un groupe que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Le groupe existe depuis combien de temps ? Oh, 2 ans à peu près. 2 ans. Très bien. Et alors comment vous êtes trois? Ouais. Alors on va déjà citer les personnes. Donc la chanteuse, la voix qu'on entend, bah, tu vas te présenter. Alors, moi c'est Géraldine. Géraldine, voilà. Guitare chant. Bastien, clavier, chœur, saxophone. Tout ce qui me tombe sous la patte. Ouais. D'accord. Multi-instrumentiste. J'ai oublié quelque chose. Là, comme ça, non. Je crois que c'est bon. Ah, les orchestres. Ouais, ou les orchestrations. D'accord. Exactement. Ah oui, ça, donc le côté récemment. Technique et tout ça, ouais. Voilà. C'est... Et puis Magali, à la basse, qui n'est pas là aujourd'hui. Qui n'est pas là aujourd'hui, mais on parle quand même d'elle. Et puis, ouais, on lui fait un coucou. Voilà, on lui fait un petit coucou si elle nous écoute. Oui. Salut Magali. Et d'ailleurs, pour les gens qui n'ont pas la possibilité de nous écouter en direct, alors ça, il faut savoir qu'il y a une séance de rattrapage et c'est grâce à notre ami Florent qui enregistre toutes les émissions. Et après, le lien, on le partage sur le Facebook de l'émission. Il est aussi partagé si vous le cherchez. Il y a des musiciens qui arrivent à le trouver avant même moi. Avant que Florent me l'envoie, il le poste aussi sur le groupe de podcast de Radio Arc-en-Ciel sur Facebook. Et vous avez la possibilité, grâce au lien, d'aller sur un site et y réécouter les émissions. Alors, vous pouvez les réécouter et vous pouvez aussi, une bonne chose, les télécharger. Donc, Les partager, les télécharger, tout ça. Donc, c'est très important. Et, en tout cas, c'est un petit peu grâce à Florent que beaucoup de gens peuvent réécouter les émissions après coup, parce que le vendredi soir des fois il y en a qui ont piscine. Donc t'as retenu la phrase, hein. Je pouvais pas, j'ai piscine. Il y en a qui ont aquaponné, etc. Donc moi le vendredi soir j'ai radio. Donc des fois on me dit ouais tu viens en concert, c'est quand vendredi soir? Bah non, j'ai radio. C'est pas plus mal. Très bien. Donc le groupe Bastien, Géraldine, Magali, voilà. Ça fait 2 ans qu'il existe. Et comment vous êtes arrivés à vous rencontrer et à faire de la musique ensemble? Alors avec Max, ça fait très longtemps qu'on se connaît et du coup, je lui ai demandé si elle avait envie de faire de la basse pour un petit peu accompagner mes morceaux, parce que je cherchais quelqu'un de proche pour que ça fonctionne bien. Donc on a fait je crois 3 concerts à 2 et Bastien est arrivé tout de suite derrière, donc je sais pas 6 mois après en tout cas. Ouais, parce que je venais de terminer avec mon ancienne formation, donc So Far So Good, qui a duré 10 ans. Ouais, ouais, j'ai vu passer ce nom-là, mais malheureusement, vous n'avez pas eu l'occasion de venir dans l'émission, quoi. Mais non, trop tard. Bon. Et après, c'est bien d'en parler quand même. Voilà, ça fait partie de l'histoire, hein. De la musique. Et il était hors de question que, j'arrête la musique, que j'arrête de jouer. Ouais, je crois que quand on est musicien, c'est pour la vie, hein. Ça s'arrête jamais, quoi. C'est ça. Et, et j'ai trouvé les filles. Et au départ, je voulais pas, parce que j'aime pas trop embêter les gens. Et je savais pas comment, vu qu'elles étaient toutes les deux, j'étais en mode, est-ce qu'elles vont bien vouloir que je rentre? Est-ce que vous avez besoin d'un clavier? Ouais, je comprends. Et pas... au final, oui. Ouais, donc finalement, ça a matché. Et ouais. Puis, donc, tu as rejoint les deux filles et vous avez formé le groupe. Alors, pourquoi vous avez choisi ce nom-là? The Last Magic Doors. Ah, parce qu'on avait une asso qui s'appelait Magic Doors, qui est un titre de Portishead que j'aime beaucoup. D'accord. Ah oui. Donc, et voilà. Et je suis assez fan de tout ce qui est mystique et compagnie. Et du coup, on a rajouté le The Last devant, comme les dernières portes magiques d'opportunités. Parce que le nom n'était pas assez long. Ouais. C'est compliqué. Non, je crois qu'à l'époque, j'avais écouté un titre de The Last Shadow Puppets, qui est un projet parallèle du chanteur des Arctic Monkeys. Et le The Last, je trouvais ça sexy, je trouvais ça classe. Donc on s'est dit, allez hop, The Last. On va faire un nom très long. Pour embêter les gens. Ouais, souvent, les gens, après, ils raccourcissent un peu les noms. Hein. Ça arrive dans certaines formations. Alors, ouais. Vous, si on raccourcit, on garde quoi? Les dors. Les dors. Ah, non, ça existe déjà. Ça existe déjà. On va garder le Magic, je pense. Magic. Voilà. Mais c'est bien, ça fait poser des questions aux gens. Je trouve ça bien. Bah oui, c'est un peu le but. Et en plus, je crois que vous êtes les seuls à vous appeler comme ça. Si on tape sur Internet. Eh ben, mais c'est que j'espère bien. Ah bah ouais. Des fois, je me dis, mais comment il y en a certains qui sont venus ici, ils me donnent un nom et puis je cherche sur Internet, j'en trouve 10. Je dis, ouais, mais bon, c'est pris, repris, quoi. Donc c'est bien aussi l'originalité. Je voulais éviter ça aussi. voilà. Comme ça, on tape sur Internet et on tombe directement sur vous. Il n'y a pas de souci. Voilà. Oui. Très bien. Donc, on commence déjà à vous connaître un peu. Vous êtes trois. Vous êtes. Il y a une basse. Donc, basse, clavier et d'autres instruments. On ne va pas rentrer dans le détail. Et une guitare et une voix. Voilà. Et une voix et des machines en boîte. Ouais, des machines aussi. Ouais. Des accompagnements, des orchestrations. C'est Bastien qui bidouille un petit peu les boutons et tout ça. Ouais. Non, mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai écouté vos morceaux, hein, ceux que vous m'avez déjà envoyés, qu'on diffuse déjà depuis quelques semaines, et je me suis rendu compte que il y a une atmosphère justement. On voit tout le travail qui est derrière, parce que une guitare, bon, c'est le truc classique, basse, guitare, le rythme. Déjà le synthé, il y a le côté un peu planant, il y a aussi les effets, il y a tous ces trucs-là, et je dis, c'est quand même bien élaboré, quoi. Et en fait, avec Bastien, on s'est vraiment très bien trouvé. Parce qu'on aime tout ce qui est... on aime la même couleur musicale. On aime emmener vraiment un univers dans les morceaux. Et à chaque fois que Bastien me propose des choses, je lui fais « Waouh !» C'est ce que j'entendais, c'est ce que je voyais. Donc, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Quand vous entendez comme ça, est-ce que des fois, il propose des choses et tu dis « Non, là, ça va pas du tout. » Pas encore. Je me propose des choses à moi-même. Ça va venir. Je me dis « Est-ce que ça va être faisable ?» Pour l'instant, il n'ose pas. Mais il veut faire un truc en disco après. Hein. Il ne l'a pas encore on dit. Verra, mais... On verra. Limite. Il y a des influences partout. On a connu une époque où c'est vrai que c'était un petit peu drôle, même il y avait des groupes de rock, de hard rock, etc. qui s'étaient mis un petit peu au disco, donc il y avait des rythmes un peu. Il y avait Kiss, je suis en train de penser à d'autres personnes. Il y avait David Bowie et tout ça qui avait fait un petit peu des trucs un peu dansants parce que c'était dans la mouvance, quoi. Et donc pourquoi pas, quand c'est bien fait, c'est bien fait. Exactement. Hein. Très bien. Ouais, je pensais aussi à Queen, qui avait aussi des trucs un peu. Voilà, il y a eu. Ouais, à une époque, ils avaient un petit peu. Ils ont eu leur, oui, leur part. De, leur part, et pourtant, des fois. Ouais, mais bon, quelque part, c'est enrichissant aussi de mélanger les styles. Hein, c'est... On a vu, quand ça, avec les Beatles, les Rolling Stones, quand il y a eu la, la mode des hippies, on va dire. Des, oui, bah oui, il y avait. Ils ont changé un petit peu leur, leur façon de jouer. Ouais, le côté beatnik, le côté. Ouais. On les a vus avec les Beatles. Aussi bien les Stones que les Beatles. Hein, effectivement, ouais, ouais. Il y a eu vraiment cette truc-là dans les années fin 60, un... début 70. Musical, hein, la musique, c'est ça, c'est pas rester uniquement que sur son sur ses assises. Quoi, il faut aussi bouger un petit peu et amener des variations, de l'influence. Ah, oui. Sinon, au bout d'un moment, ça serait toujours pareil. S'imprégner de l'air du temps. Ouais. C'est tout en gardant quand même, tout en gardant quand même, c'est vrai que la guitare. Ouais, mais c'est le rôle d'un artiste d'être soi-même, mais en s'imprégnant de ce qui l'entoure et d'en ressortir quelque chose de vraiment personnel. D'accord, bah, on attendra. On a dit, on peut arrêter l'émission. Voilà, dit tout. Non, mais c'est bien quand c'est comme ça. Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, des fois, c'est vrai qu'on reçoit des invités qui sont pas très bavards. Donc, des fois, il faut leur tirer un peu les verres du nez. Mais moi, j'aime bien quand, justement, la discussion se fait naturellement. Et puis, on se retrouve à parler de musique. On est passionné de musique. On est là, autour des micros, justement, pour pouvoir parler de musique et le partager aussi avec nos auditeurs. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous contacter. Sur le Facebook, c'est le truc le plus simple. J'allume toujours. À chaque fois, je me souviens jamais de mon code, mais j'allume toujours en début d'émission. Je récupère le code à chaque fois, je change à chaque fois, et à chaque fois, je me souviens plus. Donc, on sait pas, c'est pas un souci. J'arrive toujours à me débrouiller. Donc, allez-y, et puis on va partager au fur et à mesure donc tous les morceaux qu'on va diffuser dans cette émission. On a parlé un petit peu de Last Magic Doors. Donc, je pense que les auditeurs, on a pas mal de morceaux à diffuser. Les auditeurs se disent, bon, voilà, on en parle, mais un petit peu de musique, ça ferait pas de mal. Donc, c'est je propose bon. qu'on balance le morceau qu'on a déjà diffusé à plusieurs reprises. Donc, Little Boy. Oui. Celui qui est calé sur la platine. Super. Donc, j'ai mis le vinyle, voilà, j'ai mis le bras, tout est prêt, il y a juste à appuyer sur start, ça a démarré. Et, vous voulez nous en parler un petit peu de ce morceau-là? Little Boy, c'est la bombe? Non, c'est... Non, c'est... l'homme est... comment je vais formuler ça? C'est l'homme qui veut aller ailleurs, qui veut aller sur Mars. Ah, ça n'a rien à voir avec la bombe d'Hiroshima, non, etc. Alors qu'on pourrait vraiment prendre soin de notre planète avant d'essayer de... Là, on est tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. On a une planète, il n'y a rien de plus beau. Comme dit Chic Planète, il n'y a rien de plus beau des années de lumière. Et on, qu'est-ce qu'on fait? On veut aller ailleurs. Et on gaspille plein d'argent, alors que sur Terre, il y a des choses à améliorer. Ben, c'est ce que je dis beaucoup moins cher. Dans les paroles, justement, que ce petit garçon, du coup, j'ai pris le rôle du petit garçon, il n'y a rien qui le touche. Ni un oiseau, ni un arbre, rien. Il veut simplement sentir l'air sur Mars, l'air sec. Et rouge de Mars. D'accord. On comprend. Ouais. il s'appelle comme un petit garçon. Il y a un nom, non? Non, parce que je pense qu'on est tous humains, donc on a tous ce côté-là en nous aussi. Moi, j'aime bien les humains parce qu'ils sont imparfaits. Et justement, c'est ce qui fait aussi, ils ont chacun des sensibilités différentes et tout ça. Sinon, après, c'est des robots. Et puis aujourd'hui, on est en train de se mettre avec l'intelligence artificielle et tout ça. On y vient, finalement. On va plus être des décisionnaires de ce qui se déshumanise. Ouais, je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'aime bien discuter avec les gens. Et puis, on résout beaucoup plus les... Alors, dernièrement, je vais beaucoup sur Internet et je travaille avec les petits machins qui nous aident. Vous avez une question? Tapez votre truc. J'ai pas bien compris. Répétez le machin. Mettez des mots simple. Et au bout d'une heure, on s'en est toujours pas sorti. Des fois, c'est plus simple d'avoir quelqu'un au téléphone, lui expliquer le problème, et puis on le résout beaucoup plus facilement. Et malheureusement, aujourd'hui, même au téléphone, taper un pour... alors, on veut savoir quelque chose, on a le numéro de téléphone, on appelle, et là, ils nous disent, taper un, une chose, taper deux, l'autre chose, taper trois, l'autre chose, et ce qu'on veut, il n'y est pas dedans. Et on fait comment? Donc, des fois, au pif, hein, moi, je tape n'importe lequel, du moment que j'ai quelqu'un au bout, j'essaie de me débrouiller. Mais on arrive dans un monde un peu frappadingue. Frappadingue, comme tu dis. Très bien, donc on va écouter Little Boy, et puis on se retrouve juste après. De retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités. Alors ce soir dans l'émission numéro 641, nous recevons le groupe The Last Magic Doors. Et là on vient d'écouter non pas un morceau mais deux morceaux à la suite du groupe. On a écouté d'abord Little Boy et à l'instant c'est One Day. Donc ce soir le groupe The Last Magic Doors est représenté par Géraldine et Bastien. Et on va parler un petit peu de ce morceau là, One Day. Ça veut dire, ça parle de quoi? Ça parle d'un jour, mais bon. C'est un jour, je ne serai plus là. C'est par rapport aux fausses amitiés. Ah, d'accord. Aux ouais. gens qui ne sont pas là quand on va mal. Et puis, du ouais. coup, bah, un jour, je serai plus là. Ouais, ouais. Parce qu'un jour, j'en aurai marre. Toujours bien joyeux. Hein. Oui, nous, c'est toujours très joyeux. Non, mais en même temps, c'est des paroles sensées. C'est des problèmes que dans lesquels tout le monde peut se retrouver. Ouais. Je pense que. On a tous eu des faux amis tout au long de notre vie. Des blanches pourries, oui. Oui, des gens qui sont là pour nous demander des choses. Et puis, dès qu'on a besoin, bah, par contre, on peut compter sur personne. Ça, je crois qu'on en a tous connu. Donc voilà, c'est bien d'en parler aussi de ces gens-là. Hein. Bon, ouais. On ne cite personne, mais bon. Non, on ne cite personne. Bon, à part l'autre. Il y en a un qui va se reconnaître, hein, mais il y en a un qui, auquel je pense, franchement. Non, bon. Non, mais c'est vrai que c'est des choses de la vie, finalement. Finalement, donc oui, One oui. Day, un jour je serai plus là parce que bah, tu. Faut en tirer des leçons en fait. Ouais, c'est bien d'être gentil, mais il faut se rendre compte que tous les gens qui sont en face de nous n'ont pas forcément le même cœur que nous. Donc ouais. nous on voit les choses d'une certaine manière et des fois on s'aperçoit que les gens en face ils s'en foutent complètement et qu'ils sont là que pour se servir des autres personnes et pas forcément pour rendre l'appareil. Donc voilà. Très bien, très belle. Explication. Très bonne explication. Très bien. Ouais, c'est vrai que des fois les mots sont vont. Non, c'est parce que j'essaie toujours d'avoir un petit peu d'avance et des fois il y a un mot qui bug. Et puis qui bug et puis voilà, c'est comme ça. Ah oui, ouais, on est imparfait, hein, on est des êtres humains. Heureusement. voilà. Alors, ces deux morceaux-là, on les a écoutés. Alors, comment on pourrait qualifier votre style? Alors, c'est quoi? C'est du rock? C'est de la pop? C'est Il y a un petit peu de tout, comme on disait tout à l'heure. On écoute un petit peu de tout. On s'enrichit de ce qu'on écoute. Mm-hmm. Donc oui, il y a de la pop, ça c'est certain. Il y a du rock. Mmh. Actuellement, même le petit rythme là, un petit peu rockabilly là aussi, c'était ouais. On revient un peu au truc d'origine quoi, l'origine de la musique, mais mélangé aussi avec les synthés et puis les arrangements modernes, donc c'est bien quoi. Je sais pas si t'as vu, mais depuis tout à l'heure, on a une nouvelle personne qui est arrivée. J'aimerais bien l'entendre au micro. D'accord. Comment elle se présente. Alors, pour ceux qui ont suivi depuis le début de l'émission, elle est là, ici. Et moi, je me suis dit, bon, ça serait bien qu'elle participe un petit peu, donc pour qu'elle aille du côté des invités. Alors, c'est une personne qui va rejoindre l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Donc, j'avais dit, la semaine dernière, on avait fait une réunion avec tous les animateurs. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont venir rejoindre cette équipe-là, et dont la personne que nous avons ici. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, toi, tu parles principalement anglais. Bon, on a discuté un petit peu, on arrive à se comprendre, tu vas faire donc une émission sur Radio Arc-en-Ciel très prochainement. Oui, je vais faire une émission le lundi à 14h, ouais. 16h, tous les lundis après-midi. D'accord. Et c'est une émission sur quoi? Tu as un sujet particulier ou c'est pour écouter de la musique? C'est la musique français et anglais. D'accord. Elle s'appelle Posh Pop and Lifestyle Music Show. D'accord. Oh là là, cet accent anglais, là, ça c'est la classe que. Thank you, I'm from South Africa. Non. Okay. Elle parle l'anglais. Elle parle l'anglais puisqu'elle est sud-africaine. Ouais, voilà, sais, donc elle vient d'Afrique du Sud. Et moi, je me souviens, c'était un cousin de mon père qui avait été en Afrique du Sud pendant longtemps, au Portugal. Et il était revenu au Portugal Et quand il parlait, j'ai un beau-frère qui, lui, est français, donc il se parlait pas du tout. Eh bien, il se parlait en anglais. Et il disait, voilà, en Afrique du Sud, on parle l'anglais, mais pas comme les Américains. On les parle le vrai anglais. Et pas comme les Anglais. Si, pas comme les Anglais. Pas comme les Anglais non plus, mais c'est plus proche quand même des Anglais que des Américains qui parlent les Américains. Ça, on parle l'anglais, le vrai anglais, il disait, en Afrique du Sud. Donc, en tout cas, elle a un très bel accent et c'est super agréable. En tout cas, une très belle voix. Très beau sourire. Ouais. Bon, bah, bienvenue dans l'équipe, en tout cas. T'as fait envie de rester avec nous parce que je reçois des invités et on fait une émission un peu spéciale, hein. Mavrika, je crois que c'est la seule et unique au monde à faire un style d'émission comme ça où il y a des invités, où il y a de la bonne musique. C'est une radio, c'est une vraie radio, voilà. Donc ça devrait même être remboursé par la sécurité sociale parce qu'il y a quand même des gens qui vont beaucoup mieux grâce à l'émission Mavrika. Ça a été constaté. D'ailleurs, j'ai regardé les graphiques tout à l'heure, je vois que ça monte de plus en plus. De plus en plus de gens se sentent bien après avoir écouté une émission Mavrika. Voilà. Ça, c'est parce qu'ils veulent gagner le livre ce soir. Ils veulent gagner le livre. Donc, il y a déjà des gens qui ont participé. Alors, n'hésitez pas à mettre l'endroit d'où vous venez. Donc, là, pour l'instant, il y en a Cléry-Saint-André, tiens. Voilà. Tu peux avoir les noms, moi, je veux des noms, je vais noter. Mais là, pour l'instant, j'en vois qu'un seul. Donc, allez-y, mettez l'endroit d'où vous venez, vous mettez votre prénom, et puis après, ce sera tiré au sort, et vous gagnerez donc un livre sur la route, l'objectif en bandoulière. Donc, notre ami Didier Verchère, qui est ici présent, qui est le nouveau assistant de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Et d'ailleurs, on va essayer de voir pour que tu deviennes aussi un nouvel animateur. Bah, c'est ce que tu m'as dit, ouais. Voilà, comme ça, si un jour, je peux pas venir ou un truc comme ça, ou alors, toi, tu pourras venir et puis poursuivre l'esprit Mavrika en mon absence. Voilà, ça, c'est important, ça. Donc, voilà. Donc, pour gagner ce livre, ce très bel ouvrage, il suffit d'aller sur le Facebook de l'émission Mavrika ou sur le tien. Sur ma page Didier Verchère. Didier Verchère, mettre l'endroit d'où vous nous écoutez. Et puis, on sait que vous nous avez écoutés puisque vous mettez l'endroit. Ça sera tiré au sort. Et ça sera tiré au sort. Géraldine, en fin d'émission. Hein, donc, d'accord. Moi, s'il y en a qu'un, il n'y aura pas de difficulté. Mais... hein? Moi, je dis que je ne lui ferai pas confiance, mais bon. Je pense que c'est. On a dit que c'était une main innocente, mais après, on ne la connaît pas très bien, Géraldine. Elle ne la connaît pas non plus. Si c'est moi qui parlais tout à l'heure des faux amis, on ne sait pas. Non, je pense que. Dans l'émission Mavrika, franchement, je me suis fait pratiquement que des amis. Hein. Bon, il y a eu quelques exceptions, mais en 641 émissions, ça se comprend. J'avais un petit coucou à te faire avant 20h. Hein, je vais essayer de garder mon pari. D'accord. Hein, il est 59-36, il me reste encore 25 secondes pour le dire. Un petit coucou de notre amie Claire, qui est accompagnée de Stéphanie, et qui vont au concert de Sika. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Recto verso. Recto verso, ils vont au concert de Sika à Blois. Allez, ce soir au Saint-Lubin à Blois. Ouais. Voilà, on les salue toutes les trois d'ailleurs. Alors, Sika, c'est pareil, quand le groupe est sorti, Sika, bon, je connaissais déjà Jess depuis plusieurs années parce qu'elle est venue avec plusieurs projets différents. Et dès que Sika est sorti, ils sont venus dans mon émission. D'ailleurs, il y a toujours une affiche dans le couloir. Elle est venue dans mon émission pour la présenter et depuis, on la suit parce que franchement, c'est vraiment quelque chose de bien. J'aime ces titres-là qui est repassé sur Facebook, qui était sorti en 2013 ou quelque chose comme ça. Elle avait été interviewée dans une radio voisine, ils avaient fait un live et vraiment. Franchement, ça tient bien la route. Et puis, ils ont participé, pas au dernier Mavrika Live, mais celui d'avant. Il y avait d'ailleurs Claire qui était là, et je me souviens, elle était en train de la regarder comme si vraiment elle était sous l'effet de Sika, quoi. Voilà. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller au concert, aller voir Sika, allez-y, parce que franchement, quel que soit le style que vous aimez, ça plaît à tout le monde. Moi, j'irai prochainement. Je me suis promis d'aller les voir. J'irai les voir en concert. Super. D'accord. Mais vous tournez pas trop sur Orléans. Oui, c'est vrai. On démarche aussi sur Orléans. C'est la faute des programmateurs, ça. Exactement. Hein? tu dis oui, toi, là-bas. C'est vrai que j'ai reçu un mail il y a un an. J'ai répondu un petit peu après, mais non, c'est pas facile. Mais l'année prochaine, si j'ai toujours le poste, je m'y engage ce soir. D'accord. N'oubliez pas, le 23 mai 2025. C'est pas dur à retenir. Ouais. 23 mai. 23 mai 2025, ouais. Bah, c'est aujourd'hui. Donc voilà, on retient la date, c'est important. Très bien, donc on va continuer à découvrir le groupe, hein, parce que c'est vrai que le temps passe très, très vite, et puis il y a déjà une heure de passé. Donc on a encore deux heures, on a encore le temps. Mais je voulais savoir justement, les morceaux que vous interprétez, c'est des morceaux que vous avez créés vous-même. Alors comment ça se passe, comment vous faites pour qu'un nouveau titre naisse? Moi en général j'attends que Géraldine arrive avec des petits bouts de trucs. Général, des mélodies, des accords. Viens, j'ai composé un nouveau truc. Bon, la dernière fois elle est arrivée, j'ai composé 8 nouveaux trucs. Je fais, on se calme. Donc voilà. Donc les 3 prochains albums, ça y est, ils sont là. Presque, hein, des fois. Ouais, quand je suis inspiré, ça sort comme une mitraillette. D'accord, donc c'est toi qui amènes les premières pierres pour la construction. Première touche, soit guitare, soit chant, soit d'univers, comme je disais. Je fonctionne beaucoup par couleur, par univers, truc fort qui puisse faire ambiance de film ou ce genre de choses, où Bastien est très fort, du coup, et maintenant on fonctionne comme ça en fait. Ouais. Au départ, je faisais les chansons en entier, Bastien se greffait dessus, on a appris à se connaître comme ça, et maintenant, je lui montre simplement peut-être une grille d'accords et on construit après ensemble. D'accord. Parce qu'on sait qu'on va de toute façon dans la même direction, donc c'est vraiment un travail en commun maintenant. Bah c'est aussi le truc du groupe, hein. Un groupe justement c'est quand tout le monde le construit. Oui. Parce que des fois il y a juste un leader qui a envie de faire passer son truc. Alors souvent c'est que les leaders ils ont un ego surdimensionné, puis après ils laissent tomber tout le monde pour faire carrière seul. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que Bastien il dit non, on a Géraldine, on va la garder. Au tout début quand je suis arrivé, Géraldine avait déjà ses morceaux et j'ai joué les morceaux, j'ai joué ces morceaux-là. D'accord. Bon, des fois, il n'y avait pas de clavier, donc j'en ai rajouté. Mais pour que ça aille avec ce qu'elle avait déjà fait. Et maintenant, c'est vrai que des morceaux, là, il doit en rester 5 ou 6, des morceaux d'origine. Oui. Mais c'est ce qui m'a aussi plu, parce que ça fait longtemps que je fais de la musique. Et ça me fait du bien, ce respect-là de Bastien, parce que je suis aussi tombée sur des personnes qui changeait tout en fait. Qui veulent tout changer. Qui me prenait simplement pour une chanteuse et oh, le reste, laisse faire, je vais le faire, c'est mieux faire toi, machin. Et je m'y retrouvais pas du tout en fait. Parce qu'à la fin, le résultat, c'était pas du tout ce que t'avais voulu au départ, donc c'est un petit peu dommage. Ouais. C'est triste. Enfin, pour moi en tout cas, il y a gens à qui ça va, j'ai pas de soucis avec ça. Mais moi, ça me pose un souci. Bah oui, c'est quand même toi qui as même les premières choses à l'origine. Et puis le fait que les gens dénaturent après, et puis tu te retrouves plus. On va changer une pierre, on va changer deux, trois. Et à la fin, tu dis, c'est pas du tout ce que j'avais voulu faire au départ. J'étais juste dans le rôle de la chanteuse qui exécute. Et là, au moins, on n'a pas de guerre d'ego et on fonctionne ensemble selon nos capacités. Moi, je sais ce que je sais faire. Je sais ce que Bastien fait mieux que moi. Voilà, il y a un respect et je dirais une intelligence du rôle qui est attribué à chacun. Et on s'y retrouve comme ça et je trouve que ça fonctionne très bien, surtout pour les nouveaux morceaux, dont un qu'on va vous faire écouter ce soir. On est en exclusivité. Ouais, il y en a une exclusivité. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous avez apporté vos instruments. Donc il y aura un live. Aussi. Un ou plusieurs. Vous avez prévu combien? Non, trois. Alors, des fois, je joue à 10 doigts, il y a 3 d'un côté, et j'en vois pas du tout de l'autre. Donc, il y en aurait 3. On en a 3. D'accord, sans les rappels, bien sûr. Très bien. Je voulais savoir aussi, est-ce que c'est d'abord la musique qui vient ou est-ce que c'est d'abord les paroles? Ça dépend. Il n'y a pas de règles. Le tout dernier morceau qu'on a fait, je crois que les paroles sont sur le tard. Sur le tard, à un moment, j'ai dit, Géraldine, il faudrait peut-être écrire des paroles, on a un concert bientôt. Donc, au début, vous faites une mélodie, vous parlez un petit peu en chewing-gum dessus, en yaourt, comme on dit en français. Ça arrive. Et après, vous dites, on va peut-être mettre des paroles cohérentes quand même. En général, on a des thèmes. On cherche vraiment des thèmes, le champ lexical. Et puis. Ouais. Oui, oui, on fonctionne comme ça. Oui. Mmh. Alors, moi, je vois un peu le truc que Géraldine m'a expliqué, et c'est quelque chose que je reconnais dans beaucoup d'artistes. C'est, tu parlais tout à l'heure de couleurs, d'émotions. Mmh. Je crois que c'est l'émotion qui guide tout, finalement. Bah, donc, quand tu as une idée au niveau des paroles, la musique, déjà, est construite en pensant à ce que tu vas dire. Oui. Donc, tout se fait, finalement, tout se greffe... petit à petit, quoi. Il n'y a pas d'abord les paroles, on fait les paroles, puis derrière on va essayer de trouver une musique. Non, on ne fait pas la musique, on essaie de trouver les paroles. Je crois que peut-être oui, ça se construit, c'est au feeling, et je crois que c'est le plus important parce que c'est bien de mettre des accords, c'est bien de mettre des notes, de faire un tas de trucs et tout ça. Mais il y a aussi le ressenti, il y a l'émotion qu'on doit. Une chanson, c'est une émotion. Bah oui, tout à fait, moi je suis d'accord. Voilà, mais j'explique ça parce qu'il y en a certains, ils croient il y a une formule, on applique la formule. Là-bas, on fait un truc à quatre temps, là, tu vas faire le machin, là, etc. Ouais. Et finalement, non, c'est pas forcément comme ça. Si on fait ça, moi je trouve ça froid, en fait. Bah oui, tout à fait. On parlait d'IA, ça me fait penser un petit peu à ça, du coup, parce que, on va prendre telle grille et puis on va jouer comme ça. Parce qu'on l'a appris comme ça. Ouais. Moi, j'ai pas appris la musique. J'ai appris toute seule comme ça. On a voir des groupes de punk. Et c'est ce qui m'a plu parce que c'est des tripes en fait. Ouais. Mais après, il y a certains. Je vois, il y a une époque où il y avait le début des synthétiseurs où on a eu un peu peur de perdre aussi l'âme de certains. Notre batteur, du coup, il n'existe pas. Hein. Ouais. Et il y a des gens qui sont assez réfractaires à ça. Qui des fois sont en mode c'est pas de la vraie musique, il n'y a pas de batteur, il n'y a pas d'humain derrière, on les programme. Ouais, c'est pas dur à. Non, il est tranquille. Hein. Ouais. Mais il tombe pas cher. Il pas la bière est chaude ou la bière est froide. Je suis pas dispo, j'ai piscine. Non, on l'enferme dans la salle de respect avec du pain et de l'eau. C'est bien. Et ce qu'il y a aussi, c'est que souvent les batteurs, déjà, le temps qu'ils s'installent avec tout leur matos et tout ça, c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai choisi l'harmonica. Les groupes, ils ont des camions et la moitié du camion c'est pour la batterie. Donc ils exagèrent quand même un petit peu. Voilà. Non, on fait un petit coucou à tous les batteurs. C'est pour ça qu'on les met derrière. on aime bien parler de ceux qui sont pas là, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi. Moi, je sais qu'il y en a qui m'écoutent ce soir. Il y a des vrais batteurs et on est vraiment contents de voir ça. C'est juste que c'est pour l'instant plus pratique déjà. C'est plus pratique. Si un jour il y a un batteur, ça sera tant mieux. Une rencontre humaine. Ah s'il y a un batteur qui nous écoute, qui a envie d'aller vous rejoindre, à la limite, on peut toujours, on ne sait pas, dans l'émission Mavrika, il y a eu beaucoup de rencontres qui ont été faites. Il y a eu des mariages, il y a eu des divorces aussi, non ? Il y a eu, il y a eu des... il y a des histoires que je préfère pas raconter à l'antenne, mais si vous voulez, je vous les raconterai tout à l'heure à la cafette quand on aura fini. Mais il y a eu des drôles de trucs quand même, des choses qu'on pressentait à l'antenne, et puis derrière, on a vu que j'ai des groupes qui sont venus ici, ils ont fait leur dernier truc, et finalement ici dans l'émission. Il y a un groupe qui va faire sa première aussi au mois de septembre, de fin août. Ouais, il y a. J'ai eu une petite. Mon petit doigt m'a dit que... Tu parles d'un groupe où il y a un harmoniciste, hein, c'est ça? C'est pas possible. C'est Blues Tomahawk. Blues Tomahawk. On va faire deux ou trois essais en public avant, mais sans faire un concert en entier. Et puis je crois que la première, l'inauguration du groupe, ça va être chez toi. Ah super, impeccable. Je crois que ça sera le 29 août. Je regarderai si je l'ai bien noté sur mon agenda. Mais s'il pleut... Ça sera notre faute. Hein. Bon, au mois d'août, il y a pas de chance. Ah, tu verras. Très bien. Il va pleuvoir des notes, mais ça c'est sûr. Ouais, des notes. Et ouais. Des pas. ça fait partie du truc. Moi, des fois, je vais dans des concerts et il y a un petit pain. Voilà, il y a un petit truc. Je le vois, mais on est dans l'ambiance, on est dans le machin. Et souvent, les musiciens, ils se connaissent. Voilà, ils remettent deux mesures, puis ils repartent derrière. Et puis voilà, c'est le chant. Tant qu'il y a de la vie, hier soir, le nombre de pains, c'était une boulangerie. Hein. Hier, c'était pas triste. Après, il y a des bons pains. Ouais, c'était des pains de campagne. Distribution des pains par Jésus-Christ. Des pains spéciaux aussi. La multiplication des pains. Voilà, c'était exactement ça le terme. Voilà, très bien. Bon, donc ça fait partie de l'être humain. Et c'est vrai que. Et c'est pareil, les machines, elles se trompent jamais. Ah, si. Elles se trompent. Il y a des couacs qui descendent. Il y a des couacs. Oui. Parce que j'ai vu aussi. Alors, il faut savoir que souvent, au début, c'était des synthétiseurs qu'on programmait tout ça. Aujourd'hui, c'est de plus en plus des ordinateurs. C'est et les ordinateurs, en fait. Ils ont aussi des petits problèmes, hein. Quelle que soit la marque, hein, parce qu'il y en a ça qui me dit, ouais, mais attends, moi, j'ai un truc de cette marque-là, il est mieux que le truc que vous utilisez. Et puis, moi, j'en ai vu plusieurs avec cette marque-là qui se sont plantés aussi directement dans l'émission. Ah, donc, il n'y a pas de... Ouais, des fois, en plein concert, même à l'installation, et souvent, ça nous fait un truc qui nous est jamais arrivé avant. D'accord. Donc, on se regarde, on fait quoi, là? On va jouer dans 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens, moi la dernière fois que c'est, parce que moi aussi je travaille avec des ordinateurs de mon côté, il y en a certains c'est pas trop grave, mais il y en a d'autres c'est très grave parce que c'est eux qui sont en train de diffuser à la radio. Et quand j'avais la Jarry qui était là, donc on dit voilà, votre dernier morceau, on l'a gardé pour la fin, on va le passer, là là là, là on envoie le morceau, et puis l'ordinateur il s'éteint, il se rallume, mise à jour. Ah ouais, je dis bah voilà, et c'est la preuve qu'on est en direct live. Voilà, ça arrive. Très bien. On a parlé, les morceaux se construisaient, il n'y avait pas de normes, c'était au feeling, la musique venait en même temps que les paroles. Vous avez forcément des inspirations aussi. Quels sont les groupes que vous aimez? D'accord, c'est à moi de... Ok, vas-y. Bon, oui, je pense que vous avez chacun des inspirations différentes. C'est très compliqué, comme il y en a tellement... Ouais. Bah, en commun, on peut déjà citer Ghost. Oui, ça, Ghost, c'est dernièrement, c'est sûr. Oui. Ouais. C'est une bonne question. Putain, il y en a tellement. Il y a une liste longue comme Laura. Voilà, moi ça peut aller. Tu leur as posé une question. Bah oui, non. Moi je suis très influencée par Nick Cave, ça c'est sûr. Par la voix, par son univers pour le coup. Il y a des cloches de partout, il y a du violon. D'accord. Voilà, il part en prose. Ouais, Nick, il dit du bien de toi, hein. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Ah, il est là, Nick? Ouais, il est là. On se voit après l'émission. Hein. Allez, ciao. Voilà, c'était Nick Cave qui... voilà, c'est important quand même de savoir qu'on est suivi par des grands artistes. Donc, de temps en temps, on va quand même pas se plaindre, parce que là, je regardais, il y a quand même, dans les petits commentaires de Mavrika, on a quand même des artistes. Hein. Et c'est vrai que je peux me vanter dans l'émission Mavrika d'avoir parmi les auditeurs, pratiquement tous les artistes de la région. Hein. La plupart du temps, les gens qui nous suivent, c'est des gens qui sont intéressés par la musique, c'est des gens qui sont déjà venus dans l'émission, c'est des gens qui ont envie de venir... ou des gens qui s'intéressent tout simplement à ce qui se fait dans la région, voilà, c'est important. Hein. Et donc c'est vrai que c'est assez courant que ce soit des musiciens qui nous mettent des petits commentaires, et ça nous fait plaisir, voilà. Donc Nick Cave, d'autres artistes encore Alors côté pop, beaucoup PJ Harvey aussi, Marianne Faithfull pour la voix... D'accord. Hommage à Marianne Faithfull qui nous a quittés cette année. Côté stoner, il y a quand même Monster Magnet, il y a les Queens of the Stone Age, Green Lung. Ouais, qu'on aime je suis arrivé avec ça. Oui, parce que voilà, quand je suis arrivé, elle avait beaucoup d'artistes que moi j'écoutais un petit peu, pas plus que ça. Et je suis arrivé avec aussi une ribambelle de nouvelle musique pour Géraldine. Il m'a remis le doigt dans le stoner, dans le métal, ce genre de choses. C'est parfait. Ça me va bien. Tiens, je sais pas si vous avez entendu The Last Magic Doors Il faudrait huiler un peu les gonds. On commence un petit peu à agir. On va s'approcher de plus en plus de minuit, et voilà, il va y avoir des phénomènes qui vont se passer dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Hein. Il faut savoir que. Mais bon, voilà, ce sont des gentils esprits qui viennent. Hein. Il faut pas avoir peur. Ou pas. Enfin, alors, on parle du ghost, du coup. Et c'est vrai que l'émission Mavrika, c'est une des émissions les plus longues de Radio Arc-en-Ciel. Elle dure 3 heures. Mais il y a des fois, on arrive à la fin, on n'a pas dit la moitié de ce qu'on aurait voulu dire. Non, tellement de choses. Tu viens de prendre en collègue, en animateur, un bavard aussi derrière, donc on n'a pas fini. Il va falloir demander de pousser un petit peu le crayon. Hein. C'est pour les fois où je me retrouve tout seul, et des fois j'ai pas grand chose à me dire à moi-même, donc je le dis aux auditeurs. Tu veux qu'on fasse ta chronique là tout de suite? Il est à peu près l'heure. On va essayer d'être rapide parce qu'elle est quand même un petit peu longue. Hein. On passe d'abord des morceaux. Allez, on passe des morceaux, on se prépare, et là on y va, on en voit. Donc, moi je voulais continuer à découvrir donc le travail de The Last Magic Doors, et le prochain morceau, c'est toujours du premier album. Hein. Alors vous avez un album et des nouveaux morceaux, c'est ça hein, pour l'instant. On a 5 titres qui est sur toutes les plateformes, qui s'appelle Revived, et maintenant on va sortir des singles. D'accord. Voilà, on a décidé de sortir des singles à une fréquence raisonnable. D'accord. c'est un peu comme dans le temps, on sortait le 33 tours, on sortait aussi régulièrement des singles. Et des fois, c'était des singles qu'on retrouvait dans le 33 tours. Des fois, c'était des singles qui étaient que singles. On ne retrouvait pas ça dans les albums. Donc, et vous allez faire un peu pareil. Oui, parce qu'on a tellement composé, on a tellement fait évoluer l'univers du groupe, justement, qu'on s'est dit, on ne va pas tout dévoiler d'un coup, on va faire single par single pour avoir de l'actualité. Vous, c'est de la... Régulièrement. C'est uniquement que de la compo. Je ne suis pas un bon élève, je n'ai pas écouté le début. Ah. Quels sont ses yeux? Que de la compo, vous êtes déposant Sassem, je présume. Oui, c'est très bien. Bon, en concert, on fait que deux covers maintenant. Mm-hmm. Avant, on en avait beaucoup plus, mais on en a gardé que deux. Mm-hmm. Non, mais on reprend Michael Batsy, du coup, et les Ramones. Les Ramones. Pour l'esprit punk. Voilà. Donc morceau très speed, très un morceau de 3 minutes et quelques, les Ramones, il dure 2 minutes. Ça Ramone. Mais c'est vrai qu'ils avaient un peu inventé ce style-là et c'est pour ça qu'ils sont connus, mais quelque part, qu'est-ce que ça envoie bien et qu'est-ce que ça fait du bien aussi de C'est génial. Je les ai vus en Allemagne il y a des années en arrière. Ouais. C'était juste formidable. Ils sont montés sur scène avec leur perfecto, leur coupe de cheveux avec leur frange là. Et ils ont enchaîné. À chaque fin de morceau, c'était 1, 2, 3, 4. Et ça enchaînait. C'était juste formidable. Voilà, donc c'est bien aussi de rendre hommage à des grands groupes comme Des groupes je traduis pour notre invité ce soir. 1, 2, 3, 4, c'est 1, 2, 3, 4. Ouais, ouais. Très bien. Donc, va écouter un morceau qui s'appelle Head High. Tu veux nous en parler un peu? Head high. Oui, tête haute. On va continuer à poursuivre nos rêves, ce qui nous fait vivre la tête haute. D'accord, très bien. Voilà. De toute façon, quoi qu'il nous soit arrivé dans la vie, il faut continuer. Essayez au moins. On reviendra jamais en arrière, de toute façon. Donc, il faut y aller. Et puis, même si on a fait des erreurs, il faut y aller tête haute. Et puis, en disant, j'ai appris de mes erreurs, je vais quand même continuer. Mm. C'est un peu le sujet de ton... Ouais, je continue comme je peux et... Pour le mieux, tu fais pour le mieux. J'essaye. Au moins, j'essaye. Très bien, on écoute tout de suite. Et puis après, donc, ça sera la chronique de notre ami Didier. voilà, j'avais calé un morceau de plus, mais finalement, comme le temps passe très vite, on va essayer d'accélérer un petit peu les choses. Et on va donner la parole déjà à notre invité. Alors, tu vas me rappeler ton prénom ? Rifiloué. Oh là, c'est pas facile à prononcer. Rifiloué. Rifiloué. Rifiloué. Ouais, voilà, ça va, ça passe. Je le sais, c'est bien. Très bien. Donc, on va rappeler que tu es une future animatrice sur Radio Arc-en-Ciel. Donc, aujourd'hui, tu découvres un petit peu l'univers. Elle commence lundi à 15h. Ouais, donc, et en plus, elle est venue ici, elle est restée dans l'émission Mavrika. On l'a accueillie avec beaucoup de plaisir. Et puis, elle a envie aussi de participer à l'émission et poser une question, donc, à nos invités, The Last Magic Doors. Vas-y. Est-ce que vous êtes indépendante? Oui. C'est quoi la raison? Parce que le groupe est récent, mais si un label se propose, nous sommes ouverts aux propositions. D'accord. Donc c'est vrai que des fois, il y en a certains, c'est par choix, ils veulent rester indépendants toujours parce qu'ils veulent gérer leur musique, parce que des fois, ils sont aussi, quand ils sont sous un label, des fois, on leur dit de faire des choses qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire. Voilà. Sûr, donc c'est pas évident. Oui, voilà, alors il y a certains groupes qui ont assez de moyens pour produire eux-mêmes. Ouais. Et donc dans ce cas-là, ils continuent à faire la musique qu'ils veulent. C'est imposant, on le voit. Mais par contre, après, aussi un label, c'est quand même pour les petits groupes, c'est des gens qui s'occupent aussi du groupe et qui permettent aussi d'amener les fonds nécessaires au développement. Et puis il y a même des labels indépendants qui sont à l'écoute des groupes et avec qui ça fonctionne très bien. Très bien, donc là pour l'instant vous êtes indépendant, mais vous êtes ouvert, si vraiment quelqu'un veut s'occuper un petit peu de vous, il n'y a pas de souci. Au niveau des enregistrements, comment ça se passe? C'est vous qui les faites vous-même On fait tout à la maison. On fait tout, a que deux bras, enfin quatre. Ouais. Est-ce que vous avez un CD pressé, ou est-ce que pour l'instant c'est que des... Non, on n'a que les MP3 sur les plateformes pour l'instant. Pas de Spotify Oui, tous les plateformes. De streaming, voilà. Streaming et Bandcamp en plus. D'accord. Donc ça, c'est important de le savoir. Et puis c'est vrai qu'à une époque, il fallait sortir un album. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui n'en sortent pas forcément. Est-ce que des gens vous le demandent à la fin des concerts, par contre? Oui, mais bon, on a les plateformes de streaming. Voilà, on n'a pas les moyens pour l'instant. D'accord, voilà, ça fait un peu partie de la question précédente. Ça veut dire que s'il y a un label, des fois, ils aident pour les enregistrements. Le groupe est encore jeune, on n'a pas, pas beaucoup de followers et de concerts. Voilà. Ça va venir. Si tu veux, à partir de demain matin, je vais me taire. Je vais perdre la voix. Voilà, en tout cas, on souhaite que ça fonctionne de plus en plus, que vous fassiez des concerts de plus en plus, qu'on vous entende de plus en plus dans les radios. Moi, déjà, j'ai commencé, mais il faut que les autres radios nous emboîtent le pas aussi. Et on s'en souviendra. Parce que c'est sur Radio Arc-en-Ciel qu'on découvre les futurs stars de demain, faut quand même le dire. Dernièrement, j'ai rencontré le directeur de la programmation d'un truc qui est ici, tu sais. Sur Orléans. D'accord. Et on en a parlé un petit peu, justement. Il m'a dit, mais vous avez l'air un petit peu de connaître le milieu. Je lui explique et je lui dis que je travaille un petit peu avec toi. Il m'a dit, mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ouais. Donc, tu risques d'avoir de la concurrence. D'accord. Non. Pas que j'arrive là-bas, non, loin de là. Non, c'est que il travaille sous une autre formule, mais c'est... Ok, bon, non mais et de toute façon nous, moi quelque part, moi à la limite, moi je suis pas musicien, je suis complètement, moi j'observe et moi ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en valeur les artistes qui viennent ici. Voilà, ça va pas plus loin que ça, c'est pour me faire plaisir parce que moi j'ai beaucoup de plaisir à être avec les musiciens et quelque part je suis pas juge et parti contrairement à certains. C'est-à-dire moi je suis pas musicien donc moi je suis juge. Et j'essaie. D'ailleurs, toi, tu as un petit peu les deux. T'es parti. Non, ce que je veux expliquer, c'est que moi, je fais vraiment pour les groupes et tout ça. En plus, on est dans une radio associative. Il faut savoir que tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel sont des amateurs, des bénévoles, amateurs avec le groupe. grand A, il faut dire quand même, on fait de la belle, la belle radio. Comme Albino, c'est ça? Voilà, comme Albino. Et donc, il faut savoir que nous, on est là vraiment pour mettre en valeur les artistes, hein, quels qu'ils soient, même s'ils soient professionnels, qu'ils soient amateurs, qui jouent dans leur chambre et qu'ils ont envie de sortir un petit peu de leur chambre et se faire connaître. On est là vraiment. Chanteurs de salle de bain aussi, c'est ça? Ouais, il y en a, ouais. Ça, j'en fais partie, mais bon, mais ça ne sort pas de ma salle de bain. J'ai pas d'enregistreur là-haut. Très bien. Donc, on va parler. Alors, dans les billets de Didier, nous allons ce soir décortiquer le chant, la voix. C'est ça? C'est ça. Donc, pour explorer les secrets d'une performance vocale qui résonne et qui transperce le public, avant même de penser à la technique ou à la respiration, y a-t-il une étape fondamentale à ne pas négliger? Ah oui, absolument. Avant même de travailler le corps ou la voix, il y a une étape primordiale. C'est préparer la connexion entre le corps et l'esprit. C'est un peu comme accorder son instrument avant de jouer. C'est préparer la connexion du corps à l'esprit. C'est le fondement de l'expression vocale. Chanter n'est pas qu'un acte physique. C'est une expression de tout notre être. Préparer la connexion entre notre corps et notre esprit permet de libérer les tensions, de se recentrer et de laisser l'émotion s'exprimer plus librement. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Géraldine. Il y a la conscience corporelle, prendre le temps de sentir son corps, ses sensations. Suis-je tendu? Où se situent ces tensions? Quelques mouvements doux, une respiration calme peut aider à relâcher les blocages physiques qui peuvent entraver la voix ou la faire dérailler. Pas celle du train, hein. Il y a la présence mentale, calmer le flot incessant des pensées. La méditation, même quelques minutes, aide à se recentrer sur le moment présent. Sur les sensations corporelles ou sur le souffle, c'est un espace de calme intérieur qui favorise une expression plus authentique. Il y a l'intention et l'émotion. Se connecter à l'intention derrière le chant. Pourquoi je chante cette chanson? Quelle émotion souhaites-tu transmettre à ton public? Clarifier cette intention en amont permet de donner une direction à ton interprétation. Il y a aussi la visualisation. Imagine-toi en train de chanter avec aisance et plaisir. Visualise en image ce que raconte ton texte. Sur Mars, je vais avoir un peu de mal. Visualise l'une de tes performances réussies pour renforcer ta confiance et aider à préparer mentalement ton corps à cette expérience. Sans oublier, et c'est primordial, le lâcher prise. Apprendre à relâcher le contrôle excessif. Souvent, la peur de mal faire ou l'anxiété peuvent créer des tensions physiques et mentales qui bloquent la voix. Cultiver un état de détente et de confiance est essentiel. C'est une approche intéressante. On pense souvent à la technique en premier, mais préparer cet espace intérieur semble fondamental. Absolument. Cette connexion corps et esprit est le terreau fertile sur lequel la technique vocale peut s'épanouir pleinement. Sans cette préparation, même les meilleurs exercices risquent de rester superficiels. La préparation physique générale, c'est un corps sain pour une voix puissante. En amont de la performance, tout au long de cette préparation, il y a les fondamentales, trop souvent zappées. Il y a également la condition cardiovasculaire. L'endurance, c'est l'essentiel pour tenir la distance, surtout sur scène. Des activités comme la marche à pied, la course légère, la natation et le vélo aident à améliorer notre souffle. Ajoutons à cela le renforcement musculaire. Un corps fort favorise une bonne posture, indispensable pour une respiration efficace. Le yoga, les pilates ou quelques exercices de musculation légère renforcent les muscles du dos, de l'abdomen et surtout le diaphragme. Un peu de travail sur la souplesse, un cou souple, des épaules détendues, un diaphragme mobile, ça libère la voix. Des étirements réguliers font des merveilles. La posture n'est pas à négliger. Une glace peut être votre allié en préparation pour corriger votre posture et votre diction. Se tenir droit, épaules relâchées, bien ancrées au sol. C'est la base d'une respiration profonde et d'un placement de voix optimal. On comprend l'importance d'un corps en pleine forme. Passons maintenant au moteur de la voix. La respiration, est-ce important? Eh oui, la respiration, c'est vraiment le carburant de notre voix, chantée. La respiration et le diaphragme sont les piliers du chant. Certes, une bonne technique permet de soutenir les notes, de contrôler le volume et de protéger nos cordes vocales. Mais il ne faut pas oublier que le chef d'orchestre, c'est le diaphragme. Le diaphragme est un muscle essentiel. Il se contracte à l'inspiration, créant de l'espace pour l'air, et se relâche à l'expiration. C'est lui qui permet une respiration profonde comme celle que je viens de faire et contrôlé idéal pour les longues phrases musicales et les notes aiguës tout en évitant la fatigue vocale. Il y a des techniques de respiration pour le chant ? D'après toi. Mais bien sûr. Il y a la respiration diaphragmatique. Diaphragmatique, je savais que j'allais pas le dire. Ou abdominale, qui est la technique de référence. Des exercices de respiration, tu inspires lentement et profondément. Tu expires de manière contrôlée. Quelques minutes par jour suffisent à t'apaiser et à te recentrer. Mais pas que pour le chant, pour la vie en général. Tu peux ajouter des techniques complémentaires. La méditation pour calmer l'esprit et se recentrer sur le souffle. La cohérence cardiaque avec différentes variantes. Le 5-5-5 ou la respiration carré dite 4444. Il y a également le... En tout cas, ça fait du bien. Hein. Voilà. Donc... Surtout que maintenant, on a la clim qui s'est allumée tout à l'heure. Ah, et c'est mis en fonctionnement. Parce que c'est vrai qu'il faisait un petit peu chaud tout à l'heure dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, tu peux continuer. Donc, ça, j'ai retrouvé. Hein. J'avais perdu ma feuille. J'avais tourné la page un peu trop tôt. Vous savez, on a des prompteurs. Alors, après avoir préparé notre corps et notre souffle, comment préparer la voix spécifiquement ? Ah, la voix, bien, c'est comme un sportif qui s'échauffe avant la compétition. On réveille les muscles en douceur. Même si c'est à la fin de la journée, car notre corps a été en tension sans être vraiment prêt. Tu passes à la phase échauffement corporel. Des mouvements pour détendre le bassin, le tronc, le dos, les épaules, le cou, le diaphragme. Quelques respirations conscientes peuvent t'aider à te connecter avec ton corps. Puis tu passes à l'échauffement vocal. Je réveille les muscles de mon visage. La langue que j'assouplis avec des trilles, des grimaces, des massages. Je travaille la prononciation, la diction avec des virelangues amusantes. Je vais essayer d'en dire deux. Comme celles qu'on connaît tous, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? Ou je vais chez mon cher Serge. Il y en a bien sûr bien d'autres, vous pourrez en trouver un petit peu partout. Sans oublier les exercices de respiration, breathing, préparation au souffle et le bourdonnement, humming, en préparation des cavités résonance buccale. Je passe à l'échauffement progressivement de mes cordes vocales avec des gammes montantes et descendantes, des trilles de gammes, des exercices de résonance et le vocal fry. Vocal fry, c'est... Tu sais, comme font les ronces. Ouais, il faut faire deux voix. Elles sont à zéro. Tes cordes vocales sont à zéro. Ah, d'accord, c'est comme ça. C'est le vocal. Parce qu'ils ont, normalement, ils ont deux sons. Un qui est fait par le nez, nasal, plus, et l'autre par la gorge. Donc, il peut y avoir deux notes différentes. Ah, il peut y avoir, et ça, c'est un travail après. Oui, ça se travaille. Ouais. Les métalleux le travaillent beaucoup, le vocal fry, parce que ça les aide dans le côté grave. Ouais. Et dans le côté, avoir une voix très plus forte. Et d'ailleurs, le vocal fry est un des premiers cris qu'ont fait les bébés à la naissance. Comme d'accord. Le vocal fry et le cri de la naissance, c'est souvent ce qu'on appelle pour travailler le côté nasal, le côté, j'ai plus le nom, mais voilà. Et souvent, on entend le bruit de la sorcière ou le gamin, le bébé qui fait ouah, ouah. C'est d'accord. Ça. Ouais. Ok. Voilà. Je passe à l'échauffement vocal, le vocal fry. Et un des maîtres en la matière était Stig Ricks. Stig Ricks a travaillé avec de nombreux artistes de renommée mondiale, notamment Michael Jackson, Stevie Wonder, Prince, Madonna, Barbara Streisand et bien d'autres. Il a mis au point la méthode Speech Level Singing. Il y a aussi la Canadienne Marie-Laurence Dubé, la Française Van Petit et bien d'autres. Vous pourrez retrouver sur ma vidéo YouTube « La voix est libre » une liste bien plus complète. Sur notre région, il y a Jessica, que je salue, la chanteuse du groupe Sika, qui est actuellement en concert au Saint-Lubin à Blois, qui donne des cours à Saint-Hilaire, ou encore le renommé Frédéric Murat, qui lui, actuellement, remplissant des fonctions d'élu, l'empêche actuellement de coacher, mais c'est un très bon coach aussi, voire professeur de chant en plus. Il est crucial de commencer doucement et d'augmenter progressivement l'intensité. Dans mes conseils, n'oubliez pas l'hydratation bien en amont. Pas de bière, pas de whisky, non, je parle de l'hydratation saine. Hein, une alimentation saine. Et un bon sommeil avant de chanter. Arrête de dormir, Géraldine, réveille-toi. Si possible, évitez de chanter pendant la digestion. Prenez un bon encas avant et emportez sur scène des fruits secs et des barres énergétiques pour un regain rapide. Une boisson à base d'électrolytes peut compenser les pertes de sel dues à la transpiration. C'est très important. Mmh. La technique est importante, mais chanter, c'est aussi partager. Ah, ce message, il est personnel. Absolument, la technique ne suffit pas sans âme. Il est bien de connaître ses textes. Quand on les écrit, c'est plus facile. Ce sont des histoires à incarner, pas juste des mots à réciter. Il faut comprendre profondément le sens de ce que l'on chante, ce qui permet de transmettre avec conviction. Dans le cas d'une interprétation en langue étrangère, le respect de la langue et l'authenticité sont primordiales, sans pour cela user d'une prononciation trop poussée, exagérée ou scolaire. Respectez la langue, faites-la sonner juste, mais laissez transparaître l'émotion. Le public n'est pas un juge de casting. En général, il vient pour se détendre, passer un bon moment entre amis, et n'est pas spécialement focalisé sur votre accent linguistique. Do you understand? Il est là pour l'ambiance. Le partage win-win, comme j'aime le dire, est la connexion avec mon public. Le but est de faire ressentir aux personnes présentes ce partage et cette connexion. L'envie de transmettre, l'émotion et la passion. On chante pour le public ou on chante pour soi dans sa salle de bain. On en parlait tout à l'heure. Toi, donc tu chantes pour toi, Albino, c'est bien ouais, sûr. Ouais, ouais. Voilà. Quand la salle de bain, la porte est bien fermée. Voilà. Ouais. Un regard sincère, un geste, une intonation créent un lien fort. Chanter avec passion, c'est un don, un art, pas un étalage d'ego. N'est-ce pas, Jessica? Nous en parlions au tout début de l'ego du chanteur, l'ego de certaines personnes. L'attitude sur scène. Le scénique fait partie du job. Une posture ouverte, un regard qui balaye des gestes et qui souligne les mots. Tout contribue à la connexion avec sincérité. L'adaptation au public. Un chanteur attentif, ou une chanteuse attentive, perçoit l'énergie de la salle et adapte son interprétation. C'est un dialogue subtil. Pour les covers, s'inspirer de ses idoles, oui, mais sans vouloir les imiter, trait pour trait. Il peut y avoir du mimétisme dans les intonations, qui est le fruit d'une écoute prolongée. Mais de là à être le calife à la place du calife, il y a un monde. Notre voix est unique. Trouve ta propre interprétation en y connectant ton émotion. Ne te compare pas. Ta couleur vocale est précieuse. C'est ta signature, ton empreinte. Attention à l'écueil de la surconcentration. Le fait de trop vouloir bien faire, trop imiter peut nuire à l'âme de ton chant. Même avec un bon timbre de voix, laisse l'émotion guider ta voix. La technique, l'interprétation sont des outils. Ce n'est pas une prison, ce ne sont pas des prisons. N'oublie pas l'impact des pauses et des silences dans ton interprétation. Ils permettent de laisser résonner une émotion et de donner à ton public le temps d'absorber le message. Un silence bien placé vaut parfois 1000 mots. Et qu'en est-il de l'aspect technique de la sonorisation? Ah, c'est un élément crucial pour que ta voix soit entendue et appréciée dans les meilleures conditions. Le choix du micro utilisé, du dynamique, du statique, a un impact significatif sur la captation de ta voix. La distance entre la capsule, micro et ta bouche est nécessaire. Plus tu es proche ou trop proche, plus ta voix est boueuse. Car les graves sont accentués en t'écartant d'une dizaine de centimètres, ta voix est aérée et sonne plus naturelle. Moins de plosives. Un technicien son expérimenté saura choisir le micro adapté à ton timbre et à l'environnement sonore. Demande conseil, fais des tests en amont. Pour ce qui est de la puissance de la sonorisation, un bon équilibre de la puissance sonore est essentiel. Trop faible, ta voix sera noyée. Trop forte, elle risque d'être agressive et fatigante pour l'oreille du public. travaille le volume, le gain, pour trouver le niveau optimal. Le réglage de la réverb. La réverbération ajoute de l'espace et de l'ampleur à ta voix. Un réglage subtil peut l'embellir, mais une réverbération excessive peut la rendre confuse et indistincte. L'équalisation EQ. L'équalisation permet de sculpter le son de ta voix en ajustant les différentes fréquences, grave, médium, aigu. Couper ou atténuer les basses fréquences. Un bon réglage d'EQ assure clarté, présence vocale et chaleur de ton timbre. Si tu as des techniciens qui t'entourent sur une scène, collabore sans exiger de trop. Les techniciens sont les meilleurs alliés que tu puisses avoir. Ne te les mets pas à dos. Laisse ton ego à l'entrée du backstage. Communique clairement tes besoins et tes attentes lors des balances. L'expertise technique est précieuse pour optimiser ton rendu sonore. Un dernier conseil pour nos auditeurs qui veulent chanter avec leur cœur et être bien entendu. Eh bien, sois toi-même, réveille, apprends tes textes et comprends-les surtout. Mais surtout, connecte-toi à tes propres émotions et partage-les avec sincérité. C'est là que la magie opère. On n'oublie sûrement pas le sourire, c'est le plus important de tout. Vous pourrez me retrouver, si vous le souhaitez, dans les concerts Scènes Ouvertes et autres rencontres musicales que je programme via Info Concert RCVL ou son association Développement Variété Promotion. Je naviguerai entre la guinguette Les Deux Rives, Parc de Loire, Orléans, le Beer Garden, d'activité La Vallée Saran, la guinguette du Château à Saran, Centre-Ville. Nous pourrons discuter et échanger musique et passion sans nous mettre la pression. La surprise, on l'avait dit, ce n'est plus une surprise puisqu'on l'a dit au début, mais pour ceux qui n'étaient pas présents, on aura dans le courant septembre, lors d'une émission avec Albino Mavrica, le directeur de la SACEM Loiret parmi nous, monsieur Florent Vidal, que je salue parce que je sais qu'il est derrière et qu'il m'écoute. Merci à toi, Laurent. Florent. Très bien, en tout cas, bravo pour cette chronique. Hein. Bon, ça a été assez rapidement fait quand même, parce que c'est vrai que tu nous as ramené un bon moment. Il y a de la préparation. En tout cas, merci pour le travail que tu fais, parce que il y a le travail que tu fais ici en direct à la radio, mais il y a toute la préparation qui est faite avant. Et quand on fait une chronique comme ça, on s'applique à dire des belles choses et des bonnes choses. Et là, ce que tu as dit, je pense que tous les chanteurs sont un peu concernés. Je crois qu'on est tous d'accord avec ce qu'il a dit. Après, il peut y avoir des petits trucs sur lesquels chacun a sa manière de travailler. Oui, bien sûr, mais quelque part, il y a aussi des chanteurs, des personnes qui ont des belles voix et qui ne savent pas forcément tous ces petits trucs-là. Et donc, ça peut les aider souvent à évoluer. On retrouve ça dans les karaokés, les gens qui chantent trop karaoké. Et ce que je voulais dire, si la personne est derrière, d'ailleurs, je le salue, Dakota Cash, si t'es derrière, Olivier, ce que je voulais te dire l'autre jour, et que ça t'a. J'ai vexé une personne que j'ai fait venir un petit peu, ça l'a un petit peu touché. Et ce que j'ai voulu dire, c'était pas pour le rabaisser, loin de là, c'était pour lui faire comprendre que quand on lit des paroles, comme là, je les lis parce que je suis obligé de garder mon texte, quand on les lit, on n'est pas en communication avec le public. On est moins en communication, on transmet moins son émotion. Voilà, donc avoir des textes et puis pas se focaliser sur le côté linguistique de trop bien parler. On fait des pas en chantant, on fait des pas en jouant de la musique. Voilà, et le public, il est pas là pour nous juger, il est là pour passer une bonne soirée. Il est pas tout le temps à 100% en train de nous noter si c'est bon ou si c'est mauvais. Il se rappelle s'il a passé une bonne soirée ou pas. Géraldine, t'es pas d'accord avec moi? Ah, je suis d'accord. C'est tout à fait ça. C'est pas. Et puis le problème, c'est que souvent, quand on se retrouve dans des lieux où on veut apprendre à chanter, on veut se faire plaisir, on se retrouve noté, voire jugé par des personnes bien souvent qui ne sont pas des professionnels, qui ne connaissent pas, souvent dans les karaokés. Ah ouais, t'as super chanté. Tiens, t'as la voix d'un tel et t'as la voix d'un tel. Non, on a sa propre voix. Mm-hmm. On peut pas. On a des intonations, on a des oui, mythes, forcément, on a des. On ressemble forcément à quelqu'un d'autre. Presley, on n'est pas Johnny Hallyday. Des fois, on prend des intonations. Et ça, il faut s'en sortir. Et c'est souvent qu'on est jugé par des personnes qui ont le même niveau, moins, voire des niveaux en dessous. Mmh. Et après, quand on retrouve des personnes qui ont du métier, qui ont de la connaissance, des vrais chanteurs, enfin, je dis pas que ce sont des faux chanteurs, mais des profs et tout ça, ils nous corrigent. C'est comme savoir conduire. J'ai appris sans avoir de prof le jour où je passais mes vitesses, je suis droitier avec ma main gauche. Ben non, mais c'est ça. Ah ouais, mais c'est pas comme ça. Et non. Après, c'est des petits trucs. Après, c'est très bien à chanter. Faites-vous plaisir. Chantez, mais à Il faut tête. Chanter. Ouais. D'ailleurs, on sort tout à l'heure, on va tout chanter dans la ruche. Merci D'accord. à vous. Moi, ça me fait penser aussi, les karaokés, c'est quand même là, des fois, on découvre des gens qui ont des belles voix et tout ça. Ouais. Et puis, il y a toujours des gens aussi, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, des gens qui s'accaparent le micro et qui le lâchent plus. Ah, ben ouais. Et du voilà, ça y est, j'ai le micro, mais c'est moi qui chante. C'est moi la star de l'instant. Voilà, mais c'est leur instant de gloire. Après. Ouais. C'est humain, c'est normal. Ouais, mais après, ce qu'il faut, c'est quand il y a un karaoké, il y a plusieurs personnes qui chantent, il faut aussi le passer. Et il y en a certains, une fois qu'ils l'ont, ils ne lâchent plus. Il y a aussi ceux qui essaient de chanter. Karaoké, c'est pas celui qui chante le plus fort. Ah non. C'est celui qui chante dans le ton et tout dans ça. Dans le ton, et puis, il y en a dans aussi le rythme. Dans le rythme. Dans le rythme. Parce qu'il y en a aussi, je connais les paroles, donc il y a encore l'introduction, ils ont déjà au deuxième couplet. Ouais. Parce qu'ils connaissent la chanson, donc ils vont plus vite. Ouais. Mais tout ça fait partie, ça, c'est des choses qui s'apprennent. Sûr, voilà, même si on a envie travaille. De chanter, même, mais ça se travaille, c'est ça beaucoup se travaille, de travail. C'est comme tout. Et il faut se faire corriger aussi. Parce que des fois, on se rend pas compte. Moi, j'ai fait pas mal de métiers, mais dans les métiers que j'ai fait, de relationnel ou autre, j'ai pris des claques. Hein. Des fois, par des gens qui étaient amateurs, alors j'étais professionnel dans un milieu, qui m'ont dit, ah ouais, tiens, t'as raison, c'est tout, il faut savoir l'accepter, il faut savoir le point, c'est pas méchant, c'est juste une critique constructive. Constructive, ouais, c'est pas pour démonter les gens, hein. Il faut vraiment qu'ils continuent, s'ils ont envie de chanter, il faut qu'ils continuent. Mais on peut les aider des fois à évoluer. Après, chanter avec un prompteur ou chanter, c'est pas une tare en soi, on peut avoir surtout quand on est dans une langue que l'on ne parle pas ou qu'on parle très mal. Et qu'il faut qu'on apprenne en plus les paroles. Moi, je parle pour moi, spécialement en anglais. Je n'ai jamais fait d'anglais. Je chante en anglais. Donc, bien sûr, je vais faire des fois des fautes linguistiques. Mais si on y met le cœur, si on y met l'envie, ça passe. Ça va passer. Parce que ça, la personne va te le faire oublier. Si jamais tu es trop focalisé sur ton truc, il ne l'oubliera pas. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais voilà. Ouais, d'ailleurs, tu me donneras des cours d'anglais, d'ailleurs. Des cours de chant contre des cours d'anglais. Voilà, ça va se faire comme ça. Très bien. Très bien. Donc, merci en tout cas pour ta chronique. Alors, je vais les conserver ces trucs-là, et puis je vais les mettre dans un petit dossier parce que c'est bien aussi de les relire dans un an, peut-être, ou dans deux ans, et puis de dire, aussi, on avait parlé de tel sujet. Si vous avez l'occasion, j'ai cité tout à l'heure à Monsieur Rix, qui est, alors, sans l'entourage, je l'ai retrouvé parce qu'il n'est pas facile, mais c'était pas un prof de chant. Il est devenu de renommée mondiale. Et si vous avez l'occasion d'aller chercher ses vidéos sur YouTube, il y a une vidéo normalement où il travaille par téléphone avec Michael Jackson. Et croyez-moi que ça dure une heure. Et quand vous comprenez ça, vous avez bien compris pas mal de choses sur le chant. Et même Michael Jackson écoute ses conseils. Donc voilà, c'est quand même quelque chose. Ouais. Ça veut dire que personne n'est vraiment au sommet. On apprend toujours. Il a fait une formation. Il a une méthode qui est internationalement connue et qui est maintenant reprise par tous les coachs vocaux du monde. Pour le reprendre, il a vendu son système. D'accord. Et il est copié. Ça fonctionne, voilà, t'entends mieux. Il a compris une certaine chose sur le chant et je remettrai sur ma page, je mettrai les liens. D'accord. Sur ta page, on va rappeler sur le Facebook, oui, donc Didier Verchère, tout simplement. Ou sur Info Concert, je les partagerai. Très bien. Donc on va continuer avec nos invités de Last Magic Doors. Ils ont séché depuis tout à l'heure. Non, je pense qu'ils ont écouté et je pense que Géraldine chante déjà depuis pas mal de temps. Il y a plein de choses qu'elle aurait aimé au début qu'on lui apprenne parce que tu as forcément appris avec le temps. Il y a des choses que tu faisais et puis aujourd'hui que tu as une certaine expérience, tu te dis aujourd'hui je chanterai plus comme je l'ai fait au départ, je sais que mieux ménager ma voix, je sais mieux respirer, je sais même mieux me mettre dans le truc. Et si on t'avait donné des conseils au tout début, ça t'aurait fait peut-être gagner un peu de temps. Et ben j'ai pris des cours de chant assez rapidement. Ah bah voilà, donc tu as tout compris dès le début. Pendant un peu plus de 10 ans. Voilà, ça m'étonne pas parce que effectivement quand tu interviens, on entend ta voix, elle a quelque chose d'envoûtant aussi. Elle va bien avec le style. Donc, donc on voit qu'il y a déjà une bonne maîtrise. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est dans la préparation du chant. Bon, c'est sûr que avant un concert, on n'a pas toujours le temps de se préparer, on n'a pas toujours l'endroit. Moi, je sais que je vais souvent me caler dans les toilettes. Parce que c'est là où je peux m'isoler, en fait. Moi, j'y joue dans les toilettes. Il y a une certaine résonance qui est quand même... Non, c'est pas pour spécialement me préparer, parce que c'est vrai que quand on donne au corps et à l'esprit le système de dire je vais te faire travailler, c'est comme au foot ou ailleurs, hein. On donne la possibilité à notre voix de mieux travailler, de mieux sortir, c'est tout. C'est pas plus difficile que ça. Après, c'est des choses qu'on peut travailler avant un concert, en amont, quelques jours avant, ou pendant des routines journalières. Et puis le jour du concert, il suffit de simplement refaire deux ou trois mouvements. D'ailleurs, tu reviens Céline Dion, lors d'une émission, elle a fait voir ce qu'elle faisait en vocalise aussi. Elle a expliqué. Ils ont des grosses préparations et des fois, ils ont besoin de s'isoler, de se retrouver dans leur loge. Ah oui, ça, je comprends ça tout à fait. Nous, nos loges, elles s'appellent Water Closet. Mais voilà, ils sont dans leur loge, ils se préparent, ils veulent plus d'impresario, ils veulent plus de manager. Des petites anecdotes, puisque j'ai reçu ici à plusieurs reprises Angéline Anonier, qui était la choriste du Mélidée de Michel Sardou, et il me racontait que souvent Michel Sardou, il y a une chose qu'il avait besoin avant de monter sur scène, c'était de s'isoler justement pour pouvoir se concentrer avec lui-même. Et à ce moment-là, il y avait toujours, je sais pas si vous c'est pareil, c'est au moment où il faut pas vous déranger qu'il y a toujours quelqu'un qui vient vous demander quelque chose. Mm-hmm. C'est un peu comme si vous étiez sur le départ du 60 mètres et il y en a un au moment où on va il vient te demander au fait dis-moi donc il avait horreur de ça. Et Michel Sardou, c'est une personne qui, contrairement à son apparence, il a l'air d'être très sérieux, il paraît qu'il est très gentil, c'est l'inverse de son visage. Donc justement avec Angéline, ils avaient une complicité, ça veut dire qu'il faisait semblant de s'engueuler. Ils s'engueulaient dans les coulisses, quoi, la pièce qui était où ils étaient dans les loges, quoi. Et ils s'engueulaient, donc les gens du coup ils sont en train de se gueuler, on va pas les déranger. Mmh. Et ils s'engueulaient, gueulaient un bon coup. En vérité, c'était de la comédie, de manière à ce que Michel Sardou puisse se concentrer. Mais et ils avaient trouvé ce petit truc-là, ce petit machin-là. On les voit, ils ont tous, que ça soit... même des fois, ils le font pas voir, mais quand tu as un petit peu l'œil et quand tu le pratiques aussi toi-même, tu sais ce qu'il est en train de faire. Tu le vois... à sa façon. Et je sais, par exemple, tu prends un gars qui s'appelle un tout jeuneau qui bouge pas sur scène, qui s'appelle Mick Jagger. Mick Jagger, avant d'aller sur scène, je crois que ça marchera, ça, les Rolling Stones, les pierres qui roulent, non, c'est ça, les pierres qui roulent, ça marchera jamais, ceux qui tirent la langue là. Avant d'aller sur scène, il a ses mimiques. Chez lui, dans son château du côté dans le 41, j'ai vu des vidéos, il fait beaucoup de pilates. Il fait beaucoup de pranayama. Il travaille là-dessus. Il a deux coachs qui le suivent. Oui, ça m'étonne pas, en même temps. Il a besoin. C'est quand même une référence. Je veux dire, sur scène, t'en as besoin. Mais bon, aussi, ça fait pas 5 ans qu'il est sur scène. Oui, ça fait un petit moment, mais il continue à évoluer. Ouais, il te faut deux coachs. Et dans 60 ans, on vient te l'inviter. Très bien. On écoute donc encore un morceau de Last Magic Doors. Et puis après, on va continuer à discuter un petit peu avec eux, puisque c'est une émission qui leur est consacrée. Aujourd'hui, c'est l'édition numéro 641. J'espère que ce numéro va vous porter bonheur pour la suite. Et puis, on va parler justement... on a parlé un petit peu comment vous composez vos morceaux, comment vous les enregistrez, tout ça. Et on va parler aussi du futur, puisque on va voir s'il y a des concerts, s'il y a des enregistrements prévus dans des studios, s'il y a des clips vidéo. Voilà, tout ça, vous restez avec nous et vous le saurez dans quelques secondes. écoute les morceaux jusqu'à la dernière note. Hein. C'est comme ça dans l'émission Mavrica. On coupe pas les morceaux hein, pour faire un standard radio. On s'en fout un petit peu. Nous, on passe les morceaux en entier dans l'émission Mavrica sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, donc c'était The Last Magic Doors. Ils sont ici, ce sont nos invités dans cette émission numéro 641. Et on a découvert un petit peu leur univers. On a aussi écouté... On n'a pas tellement écouté leur les gens qui les ont influencés. Ils les ont cités tout à l'heure. Tout à l'heure, on fera une petite playlist quand même avec quelques titres qu'on va sélectionner parmi ceux que vous avez amenés. Vous avez aussi des instruments, donc vous allez interpréter des morceaux en live. Et là, ce que je voulais savoir aussi, c'est quels sont vos projets pour les mois, les années qui viennent. Est-ce que il y a des concerts déjà? Ça, c'est très important. Alors, on a un concert important la semaine prochaine. D'accord. Puisqu'on joue au festival L'Entente Festive, organisé par le Gâtinais Libre. Donc, vendredi 30 mai. À Sceaux en Gâtinais, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, bon, on est super contents oui, de pouvoir participer à ce festival. Voilà. Et il n'y a qu'un concert qui est prévu pour l'instant ou il y en a d'autres qui sont sur le... Non, on en a dans l'été, mais là, de mémoire, on fait la fête de la musique à Chalette. D'accord. Au restaurant sur le lac. Où on avait déjà joué l'année dernière et comme ça s'est bien passé, voilà. Ils étaient super contents. Du coup, on y rejoue cette année. C'est ça. Très bien. Une semaine après, on est au bistrot vélo. Au bistrot vélo, où on joue régulièrement à Montargis, au port qui a été construit, le port Saint-Roch. Voilà, où il y a des activités régulièrement. En juillet, qu'est-ce qu'on a en juillet? Alors oui, en juillet, c'est le 5, je crois. Ouais, c'est le 5. On joue au port de Grignon. Ouais, à Vieille Maison sur Joudry. D'accord. Voilà, où il va y avoir des activités au port, justement. Activités fluviales. Des activités fluviales avec des joutes, hein, c'est ça? Ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà, ça va être sympa. Ça va être carrément bien. Et puis du coup, le soir, concert. Concert, voilà, avec The Last Magic Doors. Exactement. Voilà. Donc voilà, un concert à pas louper. Hein, si vous êtes dans le coin, si vous entendez parler d'un concert pas loin de chez vous et que vous avez envie de les découvrir, alors ce soir ils sont dans l'émission Mavrica, on est là pour parler justement de tous les projets. Allez-y, allez les encourager, ça c'est vraiment important. Et sur Orléans, pour l'instant, il n'y a rien encore de... non, on a déjà joué au Dropkick. Dropkick, ça remonte. C'était au tout début. Ouais, c'était au tout début. C'était le premier concert que j'ai fait avec vous. C'est le tout premier, oui. C'est le tout premier que tu as fait avec nous. Et depuis, non, il faut qu'on continue de démarcher et qu'on se cale un petit peu des dates sur Orléans aussi. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de concerts, justement, dans cet endroit-là. C'est un endroit à Orléans où les groupes peuvent se produire. Ouais. Et Dieu sait, comme ils sont de moins en moins nombreux, et ça c'est vraiment dommage, parce que bon, c'est bien sympa d'avoir des endroits où les groupes peuvent aller jouer, et puis s'exprimer, et puis faire en sorte qu'on les découvre, quoi, ça c'est important. C'est vital pour se faire la main aussi, s'exercer, enfin c'est vital pour les groupes d'avoir des lieux où on peut jouer. D'accord, très bien. Donc c'est pour ça qu'il y a des endroits qu'on cite assez régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est dans ces endroits-là où les artistes peuvent aller se produire et ça c'est important, quoi. Oui. Très bien. Donc voilà pour les concerts. Là c'est déjà pas mal. C'est pas mal goupillé. Combien à peu près par an? Par an là pour l'instant je sais pas. On essaie au moins d'en avoir un minimum un par mois. Deux par mois. Deux par mois. D'accord. Parce qu'à côté faut faire les nouveaux morceaux, faut les répéter, faut faire les designs, faut faire la scène. Là on s'est mis à faire de la lumière, faut tout programmer, D'accord. On s'arrête jamais. Voilà. Oui, Bastien a beaucoup de travail parce que Bastien dessine aussi et donc pour le nouveau single il nous prépare un très beau dessin dans le thème. D'accord. On a hâte. Ah bah super alors. Très bien. Donc vous avez un Facebook dans lequel on peut vous retrouver. Donc pour les gens qui n'ont pas eu le temps de tout noter, ils peuvent suivre un petit peu tout ce qui va se passer dans les prochains mois. Oui, Facebook, sur le Facebook, Instagram. J'essaie d'alimenter TikTok difficilement pour l'instant parce que j'ai pas le temps, mais il faut aussi. Et puis on a un site internet, un .com. D'accord. Ok, donc à tous ces endroits-là, on peut vous contacter, on peut vous demander justement suivre un petit peu l'évolution, voir où sont les concerts, etc. Oui. Très bien, donc ça c'est important de le rappeler. D'autres projets, est-ce qu'il y aura des enregistrements dans un studio ou pour l'instant c'est pas encore d'actualité? Ou alors vous êtes content de ce que vous faites là et pour l'instant vous n'avez pas envie d'aller... Bon, pour l'instant, le son maison nous, nous va. Ouais, c'est vrai que les... Donc, le problème de fond, il s'appelle argent. Aussi. Ouais. À chaque fois. Mais... Ouais, mais bon, il y a, y a on des... On est content de ce qu'on fait pour l'instant. C'est sûr qu'on déjà. Pourrait sortir tous les nouveaux morceaux parce qu'on a de quoi faire un album avec les nouveaux morceaux. Ah oui, oui. Bah, on serait super content d'aller en studio et de faire un bel album, de presser un vinyle, ça serait génial. D'avoir une tournée derrière, des t-shirts, des codes scènes, tout. Voilà. Le rêve de tout ça. Venir avec ça va venir parce que vous serez prêt pour la prochaine tournée internationale qui aura lieu dans quelques temps, donc pour l'instant vous vous préparez petit à petit et ça va venir. En tout cas c'est ce que je vous souhaite, hein, si c'est ce que vous voulez. Alors il y a des groupes aussi que j'ai reçus ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel qui me disent bah nous on joue, est-ce que si vous avez la possibilité de faire une tournée, oh non, nous on est bien dans le Loiret, on est bien en Orléans, bon bah il y a qu'à sortir, mais il y en a d'autres, bah c'est la route, hein. C'est aussi une aventure, monter dans un bus ou prendre l'avion pour aller jouer dans un autre, voilà, c'est quelque chose de formidable. Alors il faut savoir aussi que les groupes qui font ça, souvent ils vont dans plein de villes, ils disent, c'est super chouette, je vais pouvoir découvrir plein de villes, et en vérité ils n'ont pas tellement le temps de les voir, il y a toute la préparation. On débarque, il y a le matériel, il faut s'installer, il y a les balances, il y a le machin, il faut être prêt le soir. Il faut aussi, c'est pas évident, il faut se reposer, il faut trouver où manger, etc. Donc c'est une adaptation qui se fait tous les jours, c'est quand même compliqué. Mais il y en a, c'est leur truc. Hein. Je sais que c'est une vie fabuleuse. Ouais, voilà. Donc vous seriez prêt à faire ça justement et faire une tournée si on vous proposait tout ça, quoi. À 200%. D'accord, bah super. En tout cas, est-ce qu'il y a par exemple des artistes pour lesquels vous aimeriez faire la première partie? beaucoup trop. Bon, on a parlé de Michael Jackson, je crois que c'est il n'y aura que la première partie. Mick Jagger, c'est encore possible. C'est encore possible. Alors Didier, il nous entend pas, il nous va entendre rigoler, mais il vient de mettre son casque là. Donc on parlait, quels sont les artistes pour lesquels vous voudriez faire les premières parties? Donc on a parlé de Michael Jackson, mais c'est trop tard, ils auraient bien voulu. Oui. Sinon, on va parler Mick Jagger, c'est encore possible. Tu veux son numéro? Je l'appelle. Il m'appelle, tu vois, il nous écoute, il n'y a pas de souci. Bon, je te répondrai tout à l'heure, Mick, t'inquiète. Voilà, donc on va continuer cette émission, on a parlé justement de tout prochain concert. Prochain concert, etc. Voilà, parce que tu t'es absenté avec ton matériel, t'as filmé aussi le studio. J'étais en train de te filmer, il faudra mettre un petit peu d'huile dans les poignées de porte, parce que ça couille. Les poignées de porte et puis les gonds aussi. Ouais. Sampler la porte, on va faire une chanson avec. Ouais, c'est donc, les esprits qui... D'autres artistes que vous aimeriez retrouver sur une scène, partager une scène avec eux Il y en a plein. Mais on est humble, on n'ose pas dire des noms, là. Ça dépend du niveau, voilà. Évidemment qu'on aimerait faire des premières parties, Ghost, Powerwolf, les gros comme ça, les gros groupes, ouais. C'est un peu trop gros. Ouais, donc, c'est trop gros pour nous, c'est sûr. Mais ça fait envie d'avoir les moyens, d'avoir des belles décos de scène. On commence un petit peu à avoir de la déco. Juste pas monter le matériel. Ouais, on arrêter de se péter le dos. Donc, si vous avez envie d'accompagner The Last Magic Doors, vous nous contactez. Les rodises. C'est vous qui faites votre propre sonorisation? On fait, oui, tout. Ouais. Des fois, c'est un peu compliqué parce que du coup, on n'est pas devant, derrière quand on joue. Après, quand t'es au son et que tu demandes, c'est difficile d'être au four et au moulin et en train de battre la farine, c'est pas évident. Puis, prendre un ingé son ou une ingé son, ou souvent on entend parler, ouais, j'ai un ingé son. Non, t'as un sonorisateur parce qu'un ingé son, tu payes pas 50 euros. C'est ça. Tu payes pas avec deux bières et un sandwich. À moins que ce soit vraiment un grand copain. Oui, voilà. Oui, qu'il soit passionné par. Après, il y a des, comme on dit, c'est comme chez les musiciens, il y a des amateurs qui valent bien certains. Ils n'ont pas le diplôme, la connaissance du vrai ingé son qui va te Ça, ça, c'est, beaucoup vu dans les industries où t'as des gens qui arrivent avec plein de diplômes et qui se mettent à remplacer les techniciens qui font le travail depuis des années. Donc après c'est l'important, c'est d'avoir des bonnes oreilles déjà. Dans le milieu, je sais que tous les jours, j'ai des groupes au téléphone où j'envoie. Ah ouais, mais nous on vient, on a un ingé son. Tu sais que j'ai fait un petit peu de programmation là dernièrement, un petit peu beaucoup. Et voilà, j'ai des contacts tous les jours avec des groupes qui viennent d'ici et d'ailleurs. Hein, combien on prenait, tac, qu'on commence à discuter. Ah ouais, mais nous on vient, on a un ingé son. Ouais, il a fait son école où et tout. Ah ouais, non, mais c'est un pote, c'est lui qui bidouille les fadeurs. Mais bon, après, c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui connaît les morceaux du groupe. C'est sûr. Et qui sait à quel moment on va intervenir. Qui suit le groupe. Par exemple, là tout à l'heure, on entendait dans le morceau là qui vient de passer, c'était Devil and the Witch. Le saxophone, donc l'ingénieur du son, il sait qu'il va y avoir un saxophone qui va intervenir, un ingénieur qui est là, il va faire les balances, mais il sait pas à quel moment il va intervenir. C'est pareil, après, donc, faire ton propre son quand t'es sur ta table, sur ta console, qui est à côté de toi, suivant où tu te trouves, c'est pas toujours évident, t'es concentré sur ton titre, sur ton morceau, sur l'intervention que tu vas faire, c'est pas évident de tout faire en même temps. C'est ça, et puis j'ai l'habitude de tout faire depuis tout le temps, et je pense que j'aurais un peu de mal au début à déléguer, parce que des fois, quand on travaille avec Géraldine, même sur les lumières, quoi, c'est non, bah, reviens sur celui d'avant, là, un tout petit peu, allez, un plus, non, c'est l'autre couleur, non, bon, des fois, ça peut durer très, très, très longtemps. Non, c'est ce qu'on veut, donc. Oui, voilà, c'est déjà bien de savoir ce que vous voulez. Et puis après, c'est sûr, un jour, tu délégueras peut-être, si tu trouves la personne qui fait les choses comme tu as envie de le faire. Voilà, après, c'est les finances, et puis voilà, il faut que de toute façon, que ça soit technicien lumière, son, quelqu'un, qu'au community manager, n'importe qui, il faut qu'il suive le groupe et il faut quelqu'un qui s'entende bien avec nous et ça c'est primordial, qui fasse partie du groupe je connais pas mal de groupes comme ça où il y a les gens qui sont sur la scène et après on voit une personne ou deux qui les suivent. Bah oui, mais c'est aussi important, ils font partie du groupe, c'est les gens qui font le son ou alors qui font les arrangements ou alors qui les suivent et qui font leur important surtout quand on discute après au niveau prix et au niveau vous êtes combien à manger. Ah ouais. Parce que ça j'ai entendu des choses un petit peu, des fois c'est hallucinant, quoi. C'est vrai que nous là-dessus on n'a pas de problème pour l'instant. J'ai contacté un groupe dont je tirais le nom, enfin le groupe m'a contacté suite à ce que j'avais marqué, et le gars, la seule chose qui l'intéressait, c'était pas tout à fait ce qu'il était payé, c'est savoir ce qu'ils allaient manger, parce que lui je le connais personnellement, et il s'est mis avec une copine. Et une nouvelle copine, je dirais une nouvelle encore. Et il est végétarien. Ah ouais, d'accord. Donc, je dis attends, tu m'appelles, on parle pas de cachet mais de défraiement, tu parles de bouffe. Attends, c'est important. Viens avec ta gamelle. Ouais, non, c'est important. Mais viens avec ton plat végétarien. Moi, je suis végétarienne en fait. J'ai rien contre les végétariens, c'est pas ce que je veux dire. Attention, Géraldine, pas d'amalgame là-dessus. Moi, je mets pas ça en avant. Mais quand je joue quelque part, il faut mieux le dire. Par contre, je vais pas prendre la tête, mais moi je mange pas de viande, je mange pas de poisson. Vous avez des frites? Très bien. Oui, voilà. mais ça je suis d'accord. Mais c'est la façon de s'amener, il y a la façon de faire. Oui, je pense que ça. Des gens bien et des gens moins bien partout. L'appel et la conversation n'étaient pas du tout basés là-dessus. C'était basé sur un contrat, sur un protocole et. Oui, après ça fait partie des détails à résoudre une fois que tout est fait. La communication. Ouais, voilà. On parle déjà, c'est des musiciens, qu'est-ce que vous faites, comment ça se passe et tout ça, et après bon. La com, c'est qui l'a fait chez vous? Géraldine? Je vais aller le chercher. Oui, bonjour. C'est important, c'est la com, la promo, c'est toi aussi? Bah oui. Enfin, c'est pour ça. Deux femmes, si j'ai bien compris, vous avez pris l'homme à tout faire, quoi. Ah oui, ouais, ils ont trouvé la perle noire. C'est un homme, donc c'est normal, il fait tout, en fait. Oui, bien sûr. C'est ça. Il y a de l'égalité des sexes, des fois. Ah, bon, pas il taquine. Il trouve. Non, des fois, quand on. Non, on s'y met tous un petit peu. Selon nos compétences. C'est déjà arrivé de déléguer ou de dire à telle personne, telle municipalité ou bar ou quoi, de faites-le. On a un retour. Ouais. Enfin, ouais, non, c'est pas possible. Bon, donc du coup, on le fait parce qu'il manque la moitié. Oui. Donc ouais, bah, c'est des choses sur lesquelles il faut penser à tout ça, parce que c'est important. Ça tourne pas juste à faire de la musique. C'est... Et ça, des fois, les gens s'en rendent pas compte. Ils disent ouais, c'est juste de la musique, c'est facile entre guillemets à faire. Mais il y a tout le reste derrière. Moi, je dors plus. Ah non, mais c'est incroyable. Il y a des marchages et les visuels. C'est vrai que C'est souvent ce que disent entre parenthèses, on en parlait dans la dernière émission, les patrons de bars, restaurants, tout ça, pour eux, t'arrives, tu branches ton ampli, ding, tu joues, bah ça, tu t'en vas. Il a travaillé 2 heures, il a gagné temps. Maintenant, il y a tout le travail. Le montage du bateau, c'est facilement 1h30, 2 heures avant. Il y a le pendant, puis il y a l'après. Entrée, déposer, et puis il y a aussi le travail entre. Mais tout le reste, Gens se rendent pas compte. Une fois, il y a une dame qui m'appelle pour jouer dans son restaurant, donc toute seule, guitare acoustique, chant, et elle voulait que je joue de 19h à minuit. Ouais. Sans arrêter. Je lui dis, mais d'abord, j'ai pas un répertoire non plus. Je lui dis, mais vous vous rendez compte, vocalement, faut tenir. Oui. Ah, mais il y aura des pauses. Oui. Je lui ai dit non, je suis pas capable, en fait, c'est trop, mais elle n'a pas compris, cette dame. Et puis nous, en plus, là, on est dans un truc où on est vraiment un peu, j'allais dire à l'américaine, mais un vrai spectacle. C'est pas, vu qu'en plus, c'est pas des covers, on n'est pas un karaoké. Et là, vraiment, on a nos sets, avec ça commence là, il y a une intro, il y a les lumières qui sont calées avec, machin. On peut pas faire, on peut un peu s'arranger, mais quand on nous dit, vous pouvez faire tel morceau ou jouer plus, non, c'est pas ça, les gens ne comprennent pas. Parce que c'est l'habitude de faire des groupes de covers. On a des transitions de morceaux, enfin. On essaye vraiment avec Bastien de faire comme un film, c'est une histoire. Tu peux pas couper le truc en fait. Enfin, puis t'as les gens à la fin. Vous faites du Johnny Hallyday. Non, c'est pas trop. Next. Je sais pas si vous connaissez le groupe Coda. Oui. Le groupe Coda qui fait des morceaux assez longs, c'est du rock progressif, etc. Donc c'est quand même bien. Et un jour, on les avait embauchés pour un concert. Donc c'était pour une fête de village. Ils ont contacté Coda, est-ce que vous pouvez venir, etc. Et une fois sur place, ils leur demandaient de chanter « Allez, viens boire un petit coup à la maison ». Ils disent « Attends, mais ça ne loupe pas, nous, donc eux, ils ont continué leur truc. Ils disent « Bah non, nous, on fait du rock progressif, on fait ça comme ça, donc on va le faire ». Et donc ils ont fait tout leur set et tout ça. Rock progressif, non ? Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont fait leur set en disant « Attends, mais je comprends pas ». Et après, ils ont été sur Internet et ils ont trouvé qu'il y avait un groupe qui s'appelait Coda aussi. Qui faisait des reprises, justement, chansons paillardes et compagnie. Donc, je crois qu'il y en a un, c'est avec un C, l'autre, c'est avec un K ou un truc comme ça. Et donc, les gens, ils avaient cru qu'ils avaient contacté le groupe qui faisait des chansons comme ça. Ouais. Alors qu'en vérité, non, c'était un groupe de rock progressif. Ça nous est arrivé. Une fête de village, donc ça. Avec mon groupe d'avant, So Far So Good. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais comme ça, on avait bien vérifié et tout. Un jour, on nous contacte, sauf que c'était dans le sud, genre vraiment à Marseille, un truc comme ça. On aurait bien voulu, hein, mais ça faisait un peu loin. Mais surtout que c'était pas le même groupe. Nous, on faisait du rhythm and blues et eux, c'était deux monsieur qui faisaient de la guitare et tout. Donc, c'est vrai que bon, là, l'avantage, c'est que Last Magic Doors, pour l'instant, on est les seuls. Voilà. D'accord. D'où le nom très long. J'aimerais bien écouter un petit live, moi. Donc, on va balancer le morceau qui suit. Donc c'est le dernier du premier album, c'est celui avec lequel je vous ai découvert, hein. Donc c'est la chanson, comment il s'appelle, Kiss the Bottle, voilà, très bien. Donc c'est le premier morceau que j'ai écouté de vous, hein, donc quand je vous ai découvert, que j'ai déjà diffusé dans l'émission. Donc on va finir avec ce morceau là pendant cela vous allez vous mettre en position pour interpréter les morceaux en live. On fait comme ça? Moi, j'ai monté la batterie tout à l'heure et la batterie, ouais, donc le batteur il est là, c'est la grosse caisse et tout. Leur batteur veut toujours manger avant de jouer, hein, sinon il joue pas. Donc voilà, il a mangé, il a un peu digéré tout ça, donc c'est bon. OK, la batterie c'est chiant à monter. Donc c'est toi qui joues de la basse parce que Magali pas là. Eh ben vous êtes pas dans le... Allez, on écoute tout de suite donc Kiss the Bottle, le groupe The Last Magic Doors. Kiss the bottle, oh yeah. Kiss the magic, patience. You got it, I got it. Tomorrow we down. Lost actions, you got it, I got it, tomorrow we don't. Voilà, ça finit vraiment très brusquement. Donc, on a tous été surpris dans l'émission Mavrika, mais vous inquiétez pas. Donc, le morceau vient de se terminer et The Last Magic Doors est en train de se mettre en place. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, on va carrément envoyer un autre morceau et puis on se retrouve juste après, dans quelques secondes. C'est parti, on va écouter The Wild, un groupe qui n'est pas encore venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est un groupe de la région parisienne, pardon. Et le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle, je regarde en direct, hein, That Girl Is Killing Me. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, et on est en direct, hein, comme vous pouvez le voir. On écoute tout de suite The Wild. Yeah. Voilà, donc c'était The Wilds avec That Girl Is Killing Me. On retourne dans les studios de Radio Arc-en-Ciel parce qu'il y avait une mise en place, puisque maintenant on va attaquer la session acoustique. Donc le groupe de Last Magic Door vont interpréter des morceaux en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On est à 5 minutes du centre d'Orléans, donc là c'est là que se passe l'histoire du rock'n'roll sur Orléans, dans le studio mythique de Radio Arc-en-Ciel. Donc vous êtes prêts là, c'est bon? Ouais. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter la petite musique de fond parce que bon, elle sert pas grand chose. On va juste essayer un petit peu le clavier parce qu'il y a un tout petit clavier, on a mis deux micros dessus. On va voir si ça passe bien. Ça a l'air pas mal, hein. Ouais. Ouais. C'est... Surtout la guitare, j'ai peur. La guitare. Ça c'est pas trop mal, hein. Ouais, elle est. Après, tu vas jouer sûrement un petit peu plus fort, peut-être, ou je vais corriger. T'inquiète pas. Et pour la voix, ça devrait le faire. Ça va le faire. Ok. Donc, très bien. Donc, vous allez interpréter trois morceaux. On les fait trois à la suite ou on fait comment? Oui, on peut les faire. On fait comme ça, une petite session acoustique là pendant quelques minutes, les morceaux enchaînés. Là, vous êtes un peu dans le noir. Vous voulez pas un petit peu de lumière quand même? Ça va. On joue. On a l'habitude. Il y a Didier qui me dit non parce qu'il va filmer en même temps. Non, on joue dans le noir avec juste des bougies, donc. Ah d'accord. Ok. Donc là, on est un petit peu. On n'a pas les bougies. Hein. Après, je pense que la direction de Radio Arc-en-Ciel serait pas tout à fait d'accord qu'on mette des bougies parce qu'il y a quand même une question de sécurité. On n'a déjà pas le droit de boire dans les studios pour éviter d'abîmer le matériel. Alors si on met des bougies, ça va pas améliorer. Et bientôt, on va fumer aussi. Hein. Ça s'est fait à une certaine époque, mais aujourd'hui, maintenant, c'est terminé. Voilà, c'est comme ça. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, donc nous allons écouter la session acoustique de Last Magic ou Doors. J'allais dire Last Magic Wild, du coup. Vous êtes un peu sauvage ce soir. La première chanson s'appelle The Wizard. D'accord, c'est le nouveau single que j'ai gardé pour la fin. Hein. D'accord, on écoutera tout à l'heure la version studio. Ok. C'est à vous quand vous voulez. Bravo. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe The Last Magic Doors. Voilà, la première interprétation. Donc, c'est la, comme ça que je la découvre, cette, ouais, cette chanson-là. Donc, on a la version aussi à diffuser d'ici la fin de l'émission. On l'a gardée pour la fin. Et là, on a écouté la version acoustique de The Wizard. Oui. Voilà. Préparé, pour vous. Super, en tout cas, bravo pour l'interprétation. Et je pense que le son, il est pas mal. Hein. On avait un petit peu peur que ça sorte pas trop mal, pas trop bien. Et ça sort même plutôt bien, hein, je dirais. Hein. J'ai un petit peu pané les instruments. Je pense que le son, il est assez agréable. Vous l'avez au retour du casque, ça va, non? Moi, ça va bien. Voilà, j'essaie d'équilibrer au mieux. Je pense qu'on est pas mal. En bonne configuration, bah, justement, on est dans les bonnes conditions pour continuer. Donc le prochain morceau, c'est... The High Mass. C'est parti. La dernière note, bravo, The Last Magic Doors en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors là, il faut quand même le dire, vous jouez vraiment en direct, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de... Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que des fois, bon, dans les autres radios, je vais quand même vous délivrer un secret ce soir, dans les autres radios, souvent c'est en différé, c'est jamais en direct, c'est-à-dire qu'on les enregistre les gens, on prend les gens à part, on fait deux ou trois prises, on choisit la meilleure, qu'on diffuse une minute de tout l'enregistrement. Ils ont passé une demi-heure à enregistrer et on diffuse une minute à la fin de l'émission pour dire voilà, on a parlé du groupe, c'est bon, ça s'est fait. Nous, dans l'émission Mavrica, on a 3 heures, on essaie de vous laisser jouer les morceaux en direct, vraiment en direct. Donc vous êtes là, il n'y a aucun artifice, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien du tout. Juste une petite correction au niveau des voix et voilà, le gain et des trucs comme ça. Et vous êtes vraiment en direct à interpréter des morceaux voilà, des vrais musiciens, quoi. C'est comme ça qu'on peut vous mettre en valeur. Voilà, donc un troisième morceau. Ouais, voilà. Un nouveau morceau encore. Ouais, bah super. Donc aujourd'hui on est gâté, donc ouais. En exclusivité mondiale, hein. Donc bientôt, vous le savez, c'est dans l'émission Mavrika qu'on découvre les stars de demain. Donc voilà, dans toutes les radios bientôt, vous allez diffuser vos morceaux et c'est sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika que vous avez commencé. Et ça va s'en suffire. C'est à vous quand vous voulez. Le dernier morceau s'appelle The Supreme Jezebel. Thank you. direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe de Las Magic Doors. Et puis, un grand moment d'émotion, franchement, là, allez les voir en concert, c'est vraiment le, si ça vous a, ça vous a plu, vous avez vraiment envie d'aller les voir, allez-y, n'hésitez surtout pas, en tout cas, l'émotion est là, et puis, j'espère que c'est passé à travers les, le poste transistor et que tous les auditeurs ont apprécié autant que j'ai apprécié. Je regardais en même temps votre, votre Facebook et aussi le lien sur le Facebook, il y a le lien pour le site internet, donc il y a tout marqué, puis j'avais même pas vu, il y a aussi le donc c'est sous forme de il y en a qui rigolent dans le, ouais, dans le studio, on les entend, donc il y a aussi le votre participation à Mavrika, donc Mavrika Radio Arc-en-Ciel Orléans le 23 mai, donc c'est ce soir, et bah, le temps passe vite, hein, 3 heures, ça passe très très vite, ça passe très très vite, ouais. Voilà, donc on a encore prévu des petits trucs, alors il y a un morceau encore qu'on va écouter, on va garder le dernier Wizard pour la fin, on va peut-être aussi prévoir deux ou trois chansons parmi les artistes que vous aviez choisis, on va faire une petite, un petit enchaînement avec trois morceaux que vous allez choisir. D'accord. Et comme ça, bah, je pense qu'on va vite être rendu à la fin de cette émission. Et je vous rappelle que pour l'instant, il n'y en a que trois qui ont participé là pour mettre le nom de la ville d'où ils viennent. Balance les noms, balance. Moi, il faut des noms, il faut des noms. Tu veux les noms? Ouais, je vais te donner les noms de ceux qui sont... voilà, tant que je suis un petit peu perdu dans le Facebook de l'émission Mavrika. Donc, ah ben, voilà, il est là. Les commentaires sont là. Il y a, alors, Christophe de Cléry-Saint-André. Attends, tiens, Marc, ouais, Christophe. De Cléry-Saint-André. Il y a Thierry de la Chaussée Saint-Victor. Ah, c'est le département 41. Ouais. Et il y a, tiens, il y a Mag de Montargis. Je crois la connaître. C'est de la Chaussée Saint-Victor, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, pendant l'interprétation, on jouait la basse. Je l'entendais. On l'a repiqué un petit peu sur le téléphone. Vous l'avez pas entendu la basse? Non, c'est une plaisanterie. Bon, ça fait rire. Magali de Montargis, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est les, je regarde parce que j'avais marqué aussi ailleurs, mais je crois que c'est les mêmes personnes qui s'étaient déjà. Ouais, j'ai pas regardé encore sur le mien. Voilà, moi je suis perdu dans mon truc. Hein. Commentaire, voilà. Donc voilà, c'est tout. Hein. Donc il y en a trois, bah, c'est déjà pas mal. Hein. De toute façon, il y a un seul livre, donc bah, oui. Il y en aura. On peut il y a pas. Plusieurs pages. Il a plusieurs pages, donc on va le couper en trois. Ah, c'est... Non, non, on rigole pas avec ça. Donc, il sera bien entendu entier. Et par contre, on va tirer au sort pour savoir qui c'est qui aura été choisi. On fait comme ça. On envoie le morceau, tiens, le morceau qui est calé, parce qu'on va essayer de gagner du temps, parce qu'on arrive vite à la fin de l'émission. Moi, j'ai Chris du département 18. Ah, tu as un autre Chris, ouais. Voilà. Donc regarde aussi de ton côté, parce qu'effectivement on l'a partagé à plusieurs endroits. Il voulait super, mais il va pas abandonner son département. Ouais, j'en ai aussi comme ça. Ouais, ils sont contents de qu'on diffuse leurs morceaux sur Radio Arc-en-Ciel, où ils nous souhaitent une bonne émission, mais ils ont pas mis leur nom. J'ai pas tout vu. Hein. Voilà. Donc je te laisse un petit peu de temps. Pendant cela, on va écouter comment ça s'appelle le journal de Vlad. Je le dis en français parce que c'est Vlad's Diary. Ouais. Voilà. Donc c'est un nouveau morceau. Ouais, c'est une nouveauté. Ouais. Donc ça, c'est la version studio qu'on va écouter tout de suite. Mm-hmm. Et on se retrouve juste après pour tirer au sort justement qui a gagné donc ce livre sur la route. Objectif. T'as vu sur quoi je fais ça? Ah ouais, bah c'est le prospectus Maverick Live. Ouais, parce que des fois il en reste et puis on les ramène ici pour. Et il en reste et puis tu vois, il y en a qui sont ici et ils servent justement à faire des petites notes parce qu'on en commande toujours un petit peu plus que ce qu'on en a besoin. Parce que t'as fait beaucoup de notes, c'est pour ça. Ouais, et en même temps on a besoin et c'est la radio d'avoir des petites notes. Hein. Donc la plupart des gens ils notent les numéros de téléphone, des noms, etc. Donc là t'es en train de faire ça sur la petite fiche. Ah, et bah, on écoute. Je fais ça sur un petit morceau de papier tranquillou, à peu d'accord. près tout ce qui va. Et puis on prendra la main délicate de Géraldine, parce que j'espère qu'elle a la main délicate autant qu'elle a la voix, parce que je me suis régalé. Hein. Ah ouais, franchement, très belle voix. Hein. Et en plus, des fois, elle monte, elle descend, elle chante, elle parle. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Oui, oui, c'est chauffé. Ouais. Ça fait 2 heures qu'elle parle à la radio, donc elle est assez chauffée. Voilà. Donc on écoute tout de suite ce morceau et on se retrouve juste après.

voilà, ça se termine brutalement, mais je me suis pas fait avoir. Donc on a écouté à la suite trois morceaux qui ont été choisis par nos invités, donc The Last Magic Doors, qui sont nos invités de cette émission numéro 641. Vous voulez les présenter, vous, parce que vous avez plus de facilité peut-être que moi avec la langue anglaise. Donc le premier c'était Ghost avec un morceau qui s'appelle Umbra. Umbra. Oui. Donc Umbra, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est peut-être de l'espagnol. Ça veut dire ombre, du coup. Ah ouais. Il me semble. Ou pas loin de là. Ouais, ou pas loin, ouais. Parce que je ne me souviens plus comment ça se dit en espagnol. La sombra, non, en espagnol c'est sombra. Ouais, bon, fait, c'est pas bien grave. On se pose des fois des questions. La sombra, ouais, en espagnol, ouais. Ouais, après, c'est peut-être autre chose. Alors, non, ça veut bien dire ombre. Ouais. Mais c'est en roumain. En roumain, bah voilà. Donc bon, c'est une langue aussi un petit peu latine. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un peu le nom. Le groupe Ghost, un groupe que vous aimez beaucoup. Ouais. En plus, qui est super agréable. En plus, hein, franchement. Qui vient de sortir son dernier album, Esqueleta, et ce morceau en fait partie. Et moi, j'aimais bien surtout déjà la cloche, le retour de la grosse cloche pendant tout le morceau. Mm-hmm. Et à la fin, il y a une battle entre le solo de guitare et le solo de clavier. C'est des trucs qu'on n'entend plus tellement et moi j'aime beaucoup. J'en mets beaucoup justement dans nos morceaux des solos de clavier. Ah bah super, en tout cas super morceau hein, que j'aime bien parce que c'est puissant et c'est en même temps mélodique et tout ça. Voilà, il y a des ce qui est des fois moi j'aime bien quand c'est puissant, mais des fois c'est tellement puissant que bon évidemment ça fatigue un petit peu. Et là finalement ça, on peut écouter un album tranquillement. Oui, ça s'écoute super bien. Après le deuxième groupe c'était Powerwolf. C'est ça? On l'a pas entendu? Non, je crois pas. Ah bon? C'est pas grave. Non, si, non, le deuxième, c'était Castle Rat. C'était Castle Rat, ouais, c'est passé directement. D'accord, ah bon, on a loupé un. À la limite, on va l'écouter tout à l'heure, hein. c'est pas bien grave. Bon, bah. Et après, l'autre, c'est Castle Rat. Donc, Castle Rat, qui est un groupe assez américain, jeune. Non, ils sont pas anglais. Ils sont pas anglais. Alors, le label est américain. Peut-être. Mais groupe très. Groupe de stoner, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Et ouais, c'est des petits jeunes, et puis ça fait du bien d'entendre aussi. Ouais, on aime bien. Avec des riffs puissants. Il y a des costumes, des épées. Ah, d'accord, il y a toute une mise en scène. Ouais, voilà. Ça, c'est bien aussi quand on va au concert, de voir des gens qui bougent. Bah, qui... C'est quasiment que ça, là. Ghost, pareil, ils sont masqués, costumés, et puis bah, pour Wolf, pareil. Ouais. D'accord, super en tout cas. Et moi, je trouve que c'est super parce que moi, je fais une émission dans laquelle j'apprends des choses, parce que il n'y a pas que moi qui diffuse des morceaux, les gens m'envoient des morceaux, vous amenez aussi vos influences, on écoute des trucs qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'écouter dans toutes les radios. Oui, c'est ce que je trouve un petit peu dommage, parce que c'est vrai qu'il y a des radios qui ravachent les mêmes choses depuis les années 80, c'est bien, on les a entendues, on les connaît, c'est bon, c'est bien aussi de temps en temps de découvrir des trucs qu'on n'écoute pas forcément dans les radios françaises. C'est pas spécialement mon style de musique, enfin c'est pas influencé, mais j'ai découvert un petit peu à travers il faut s'ouvrir, écouter plein de choses différentes. J'ai apprécié. Des fois, sur certaines radios, on choisit pas non plus, mais on se les avale. Finalement, c'est pas fait forcément ce qu'on aurait voulu écouter, mais bon, voilà. Est-ce que je me trompe ou pas, mais j'ai entendu un petit peu dans leur façon de s'exprimer, un petit peu le côté méditerranéen, le côté un petit peu de l'autre côté de la Méditerranée. Je trouvais un petit peu le truc... Peut-être un petit peu oriental. Ouais, oriental. Voilà. Ah, dans les morceaux. Oui, côté oriental. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et la voix s'y prête bien. Bon, l'orgue, enfin, le clavier, on n'en parle pas. Hein. Il fait tout. Mais non, c'est un très bon moment entre la voix, le clavier, la guitare. Merci. Moi, j'essaye de pousser un peu ça parce que toute ma jeunesse, tout ça, que justement j'écoutais des groupes comme ça à clavier et tout. Et à chaque fois que j'ai voulu monter un groupe de rock, on m'a toujours dit, mais il n'y a pas de clavier dans le rock. J'écoutais KCDC que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est rien, moi. ouais, bon, ça c'est. Après, il y a Dans le rock, si, ça dépend du rock, mais il y a des rock. Les Stones, il y a Piano, bien sûr. Oui, bien sûr. Monsieur. Le clavier, on en rit beaucoup de tout ça. Bah, nous, on connaît... en rit beaucoup de tout ça. Oui, bah, oui. Tout à l'heure, on a parlé de notre ami Christophe, hein, que c'est un fidèle auditeur. C'est aussi le guitariste du groupe Prisma. Je ne sais pas si vous connaissez. Et dans le groupe Prisma, il y a aussi un clavier. Bien sûr. Donc, ils font du style rock FM. Donc, le rock qu'il y avait dans les années 80, 80. Où on avait commencé à intégrer justement les claviers. Parce que bon, ce que je trouve dommage, c'est que le rock, j'ai une émission qui est presque prête là-dessus. Le rock, il est mangé à toutes les sauces. Les signes du diable, les doigts du diable et tout ça, c'est mangé à toutes les sauces. Je suis rock and roll. Attends, non, t'es banane. Ouais. Non, je veux dire, c'est ça. Tout le monde est rock and roll, tout le monde. Et oui, sur beaucoup de rock. On est pop rock, on est. La situation, c'est délicat à prendre. Oui, et puis après, moi, j'aime pas trop cataloguer les trucs non plus. Quand je dis rock, c'est en général, parce qu'il y en a certains qui disent non, le vrai rock c'est le rockabilly, et puis après t'as aussi des gens qui te disent ouais mais les Stones ils ont fait du blues c'est du blues qu'ils ont modernisé, qu'ils ont fait du rock, mais c'est les tendances et les styles, les tendances et les styles, rock c'est général, c'est générique, c'est, on va dire ça comme ça, mais après il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses aussi, c'est pas parce que c'est du rock que c'est bon, donc il faut sélectionner aussi, comme il y a aussi de bonnes choses dans d'autres musiques, ce qui est tout à fait bien, donc il faut laisser traîner un peu ses oreilles, écouter plein de choses différentes. C'est comme on parle de variété de pop, mais pop ça veut dire quoi? Oui, c'est populaire. À l'origine c'était populaire, musique pop c'est la musique populaire, c'est abrégé de, je vais dans l'étymologie du mot, quand tu dis à un groupe de reprises qu'on croise à droite à gauche, tu fais de la variété. Non, je fais pas de la variété. Mais si tu fais de la variété, t'es varié dans ce que tu fais. Tu fais du cover de Paul Pierre Jacques. Et je pense aussi, quand il y a eu les groupes de rock, et puis après pour se démarquer un petit peu, ils ont sorti la New Wave. Ouais. Donc à un moment, tous les groupes qui sortaient, c'était de la New Wave. Ouais. Alors des fois c'était de la musique électronique, des fois c'était du rock, c'était New Wave. On casait tout en New Wave parce que il y avait que ça qui marchait. Nous on fait du blues rock New Generation. New Wave. on fait du blues rock nouvelle génération. D'accord. Parce que bon, on joue. Je te dévoilerai ça plus tard. D'accord. Blues Tomahawk sur Radio Arc-en-Ciel. Très bientôt, on va le découvrir, le groupe. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. On va dire les phrases magiques. Donc, on va d'abord dire les phrases magiques. Après, on va tirer au sort aussi dans les phrases magiques. Tu commences à les connaître. C'est que le rock'n'roll soit avec vous. Alors, quand je dis rock'n'roll, c'est l'esprit large aussi. Donc, que la bonne musique soit avec vous, qui vous accompagne tout au long de votre semaine. Une vie sans musique serait une erreur. Et everything is gonna be alright. Voilà, donc ça c'est une phrase qu'on dit à chaque fois, le message plein d'espoir, et voilà, on est positif dans l'émission Maverica. On va procéder donc au tirage parmi les gens qui sont inscrits. 4 personnes qui ont postulé au gain de un des 4 va gagner cet ouvrage. Christophe de Cléry. Thierry de la Chaussée Saint-Victor, Magali de Montargis, et Chris du DEP 18. Mais je pense que c'est Chris Milan. Voilà. Donc on va tendre gentiment le chapeau. On va tourner la tête. Je ferme les yeux. Tu fermes les yeux, on vérifie. Voilà, on baisse. Voilà, tout est filmé, donc il n'y a pas... Eh bien, tu peux l'ouvrir, tu l'ouvres. Alors, si c'est une certaine personne, on va dire que j'ai triché. C'est bon. Alors, Christophe... Christophe. De Cléry. Christophe de Cléry, si tu nous entends, si tu nous écoutes, on rentrera en relation soit par Albino ou par moi-même, et on te prendra en MP, on verra les adresses et on t'enverra le livre. Cet ouvrage ça s'appelle Sur la route, objectif en bandoulière. Donc c'est l'autobiographie d'un photographe reporter, et c'est notre ami Didier Verchère dans une autre vie. Donc mais il reste. J'en ai eu beaucoup des vies, je suis pire que les chats. Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'il reste quelque chose de cette vie. T'as tourné la page, tu fais autre chose. La musique, ça sera peut-être sur mes aventures, Maverica Live. Mavricatesque, on va dire. C'est du boulot d'écrire un livre. Bah oui, ah oui, ça j'imagine. Ça, ça m'a pris. Moi, j'ai jamais eu. Bah, j'en ai fait trois des livres. Et pourtant, on pourrait en écrire des choses sur l'émission Mavaca. Ah oui. On pourrait écrire des livres. Même des fois, là, ce qu'on va faire, on va rendre l'antenne puisqu'on arrive à la fin de l'émission. On a même dépassé un petit peu. J'espère que personne ne nous en voudra. On va se réunir, on va discuter un petit peu, on va faire un débriefing après l'émission, et après on va faire les photos. Et souvent on aime bien raconter plein d'anecdotes parce qu'il s'est passé plein de choses. Et il y a des choses qu'on voudrait même pas raconter à l'antenne. Donc ça on le garde pour nous. Et il suffit de venir dans les prochaines émissions Mavrica pour savoir de quoi on parle après l'émission. Voilà, cette émission se termine. Je pense qu'on a tout dit. Vous avez quelque chose à rajouter? Vous êtes à l'antenne de Radio Arc-en-Ciel. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer auprès des auditeurs? Donc maintenant vous faites merci pour l'émission. Mm-hmm. Merci pour ce que tu fais pour les groupes et tout, c'est vital. Bah en tout cas, j'ai passé un très bon moment. La preuve, si on dépasse un petit peu, c'est qu'on a passé plein de choses et on aurait voulu en faire plus. Donc il n'y a pas le choix. Il va falloir que vous reveniez dans l'émission Mavrica. Maintenant que vous faites partie de la Mavrica Family et que vous savez où ça se trouve. Hein. Maintenant, vous savez où garer la voiture et tout ça. Donc voilà, cette émission se termine. On va souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Bonsoir tout le monde. Et rendez-vous la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, c'est un petit peu délicat parce que j'ai un groupe qui doit me dire s'il vient ou pas. Pour l'instant, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc ne vous inquiétez pas. Dans le pire des cas, je serai là et je diffuserai le maximum de musique. Ah, et tu viens faire l'émission? Oui, je viendrai faire l'émission, de toute façon. Par contre, je risque d'être absent pendant un certain temps. Oui, temps parce que tu as beaucoup d'occupations à faire. J'ai un petit peu d'occupation, là, et ça commence donc, dès demain. Il y a un groupe qui sera là, ou alors je diffuserai plein de morceaux, dont les morceaux de Last Magic Doors, bien entendu. À part si c'est un vendredi soir et qu'il pleut, bien sûr, concert annulé, puisqu'on est en extérieur. Ah, d'accord. Donc, à ce moment-là, tu t'occupes de beaucoup d'artistes, tu les fais jouer dans pas mal d'endroits. Je sais, je tente de les faire jouer. J'ai 4-5 programmations, enfin 4 lieux exactement de demain jusqu'à fin septembre. J'ai plus de 30 concerts de programmés. Voilà. Avec 18 scènes ouvertes à open mic et quelques soirées à thème musical, des karaokés sur 3 ou 4 lieux différents. Donc, ça fait chaud, mais c'est super plaisant à faire. Ouais, là je suis en train de regarder aussi un truc, on en parlera un petit peu plus la semaine prochaine. C'est tu sais qu'à La Chapelle aussi une guinguette. Oui, Chapelloise. La Chapelloise, ouais. Avec notre ami Johan Cortez, ouais. J'ai eu tout à l'heure au téléphone, donc je lui ai dit, je te promets qu'on parlera. Au mois de juillet, au mois d'août, et au fur et à mesure, on parlera de ce qui se passe là-bas, comme on parlera de ce qui se passe aussi dans ta guinguette, voilà. Donc ça c'est important, tous les gens qui se donnent du mal à faire jouer des artistes, on est là pour en parler. Voilà. Bien sûr. Très bien, donc plaisir. On arrive à la fin de cette émission, donc on va rendre l'antenne, on va vous laisser avec RDP International, on se retrouve la semaine prochaine, donc merci beaucoup à The Last Magic Door, franchement c'était un plaisir, mais pour nous la soirée n'est pas terminée, on va rendre l'antenne et... On va faire du off maintenant. On va faire du off, voilà, c'est des bons moments aussi, c'est des bons souvenirs, et surtout il y aura les photos, donc... les albums, il y en a un paquet. Allez sur le Facebook de l'émission Mavrica. Vous allez sur photos, vous allez sur les albums et vous avez les albums de toutes les émissions depuis la 122. J'ai regardé dernièrement. Ah ouais. Parce qu'avant, je le faisais pas forcément. Toujours avec le même boîtier ou tu l'as changé entre temps? C'est au moins le troisième ou le quatrième. Ah ouais. Et sachant aussi qu'il y en a certains qui étaient faits par d'autres photographes. Bien sûr. Hein. Maintenant, c'est moi qui fais un peu tout ça, mais des fois, il y a aussi des photographes. D'ailleurs, t'as eu le privilège un jour de faire. De faire l'album de l'émission. Oui, et puis j'ai eu le privilège et je voulais quand même t'en remercier avant de fermer quand on a fait le premier au Beer Garden à Saran. J'avais pas de photographe sous la main et c'est des fois les cordonniers les plus mal chaussés. Puis moi je pouvais pas prendre les photos parce que j'étais non, vraiment mais, ailleurs. C'était un plaisir de découvrir un nouvel endroit sur Orléans. On va le faire connaître, ça va pas tarder. Et en plus, on aura peut-être le plaisir de les inviter. C'est un endroit sympa. Ouais. Ski, il faut qu'il fasse beau parce que c'est sur l'extérieur. Mais je vais pas tout dire, mais on a une petite préparation à l'intérieur, mais. Secret défense. Et voilà, t'es venu, c'est toi qui m'as fait les photos. On a passé une super bonne soirée. Et comme d'habitude, tu fais de très bonnes photos. Ouais, très bonnes photos. C'est vrai que c'est les. Avec du chanteur, quand il se prend le nez, on a l'impression qu'il a le nez, je sais pas comment tu l'as prise. Mais il chante et puis il est sur un SM55. c'est ouais. ces micros vintage. Ouais. Et bah, il est comme non, ça. Et t'as vraiment l'impression qu'il donne un coup de tête dans ouais, le micro. Les... Et juste après, t'as ouais, fait une synchro, c'est... il se sort. Et puis, et il était dans son truc. Et c'est le problème de ces micros-là. C'est des micros où il faut être trop près. Ah oui. C'est des micros qui sont beaux. Bah, ils sont beaux, mais la qualité. Mais il faut savoir ils ont changé les cellules. Bah ouais, donc il y en a certains qui ont mis des cellules plus. Électriques? Plus, ouais. des cellules, quoi. Avoir un meilleur son. Parce que c'est vrai que visuellement, ils sont très beaux. En parlant. Mais c'est pas. Poliment, t'as la bouche dessus et ça te. Bah, t'as toutes les plausibles, t'as tout ce que j'expliquais tout à l'heure. Mmh. Et puis ça étouffe le son. Mmh. Très bien, voilà. Bah c'est sur ces mots-là qu'on va se quitter. Hein. Didier, comme t'es pas là à chaque fois, c'est vrai que dès que t'es là, bah, t'aimes bien parler et ça me fait plaisir que tu viennes de temps en temps. Il faut que j'ai un micro devant moi. Voilà, cette émission est terminée et on va. Je remercie à nouveau de la semaine Magique d'Or. On va remercier aussi Florent qui nous a dit j'enregistre et donc il a enregistré le live et tout ça. Donc on aura le podcast. Merci encore Florent pour tout ce que tu fais pour Radio Arc-en-Ciel en général, l'émission Mavrika et aussi les autres émissions. Et on va se quitter avec de la Magique d'Or, The Wizard. Donc, Wizard, c'est les magiciens, c'est le ça. Les magiciens. Donc, les musiciens sont un peu des magiciens. Juste une petite parenthèse, on s'est trompé, c'est pas le morceau qu'on voulait envoyer, mais vous inquiétez pas, il viendra juste derrière. Là, pour l'instant, c'était le morceau qu'on avait oublié de passer tout à l'heure, qu'on en passe maintenant. Donc, c'est pour vous expliquer qu'il était déjà sur la platine. Donc, voilà, vous êtes dans l'émission Mavrika, ça se termine juste après. On écoutera The Last Magic Doors avec The Wizard. Voilà, à très bientôt, ciao! Save them. Daqui a pouco ouvimos a conversa desta manhã do nosso João Bacalhau com duas investigadoras da Universidade do Porto que estão a desenvolver um sistema com nanopartículas para ultrapassar as dificuldades de levar fármacos ao cérebro. Sem perceber nada.